Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Bonjour mesdames et messieurs, bonne année 2014, c'est la première émission de Puissance Maximale en cette année, en l'an de grâce 2014, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, de mon côté ça s'est très bien passé, et j'espère que vous avez eu plein de cadeaux ludiques. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, content d'être là, et je suis accompagné de mon fidèle compère de toujours, monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew! Bonjour monsieur Michaud. Bonne année Andrew! Merci, toi aussi. Je pense à ça, on s'est parlé tout plein avant l'émission, mais on s'est même pas souhaité bonne année. Ben, bonne année. Ben, c'est fait, t'as passé des belles fêtes. Oui, j'essaie juste d'arranger mon micro, parfait, parce que je m'entends pas dedans. Ah! D'autres fois. Ah! Et que t'as passé des belles fêtes, t'as-tu joué un peu? Pas autant que j'aurais voulu. Malgré que je dis ça, mais tu sais, je vais faire quand même deux critiques aujourd'hui. Là, mais quand même, c'est bon. Non, mais oui, non, j'ai joué. J'ai pas autant joué que j'aurais voulu au jeu que je voulais jouer. Mais j'ai essayé d'autres jeux. Ah, mais c'est bon. Ben écoute, t'as continué à travailler pour Puissance Maximale. Contrairement à moi qui est retombé dans mes vieux vices, et j'ai recommencé à jouer à Skyrim. Ben justement, je vais avoir une nouvelle pour toi qui va peut-être te tenter. Ben sûrement. Si ça parle de Skyrim, c'est sûr que ça va m'intéresser. Skyrim et Morrowind. Oui, je pense savoir de quoi tu vas parler. Mais on va en parler plus tard, bien évidemment. Mais comme à notre habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale, d'abord et avant tout, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Quel beau site, hein? Oh oui! En fait, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Donc, allez écouter nos anciennes émissions, écouter nos podcasts, entrevues, lire les quelques articles qu'il y a sur le site. On vous demande également de vous rendre sur la page Facebook de Puissance Maximale. Juste taper Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Et appuyez sur le bouton j'aime et j'annonce, mesdames et messieurs, qu'un peu avant Noël, on a atteint les 300 j'aime sur la page de Puissance Maximale. On est rendu à 303. Monsieur Jason Giguère, qui a été le 300e, donc bienvenue Jason dans la magnifique famille de Puissance Maximale. Et voilà, donc appuyez sur le bouton j'aime et propagez la bonne nouvelle geek et ludique en justement partageant la page de Puissance Maximale. Grâce à ça, bien, vous avez des informations plus rapides sur l'émission, de quoi on va parler finalement dans l'émission du soir, et vous allez être automatiquement averti dès qu'il y aura la mise à jour sur le site, dès que la nouvelle émission est en ligne. Parce que le site, il est bien fait. Il est tellement bien fait, Andrew. Merci encore d'avoir fait ça en 2013 pour l'émission. Et voilà, écoutez, c'est pas mal ça pour la présentation habituelle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va vous parler, on va vous passer bien évidemment une première chanson, comme à notre habitude. Après la chanson, on vous parle finalement de Puissance Maximale 2013. Un peu une rétrospective de ce qu'on a fait en 2013, l'évolution de l'émission. On vous parle des projets de 2014. Après ça, Andrew va nous critiquer un jeu qui s'appelle Shadow Warrior Redux. En fait, c'est Shadow Warrior, tout court. Ouais. Mais pour le différencier de l'ancien jeu qui s'appelait aussi Shadow Warrior, bon, on met le fameux petit nom Redux après. C'est son nom de code. Voilà, ben en fait, c'est une reprise hommage à un jeu, un classique du first person shooter des années 90 auquel on a joué. Pas mal, en tout cas dans mon cas. Et tu vas nous critiquer ça. Tu vas aussi nous critiquer un autre jeu en deuxième partie d'émission qui va être Saints Row 4, auquel tu as pu finalement jouer. On voit une critique en bonne et due forme de jeu-là. On en a parlé souvent, là, mais tu vas pouvoir nous sortir ça comme faux. Et on va faire nos prédictions ludiques 2014, mon cher Endo. Ben oui, voilà comme à notre habitude. Voilà ce qui va se passer à l'émission. On va vous parler aussi de nouvelles ludiques, bien évidemment. On va sortir le jeu de tarot, là. On va commencer à, voilà. à sortir nos prédictions. Vous allez voir, ça va être fiable. Ben, pas mal plus fiable qu'avec qu'un jeu de tarot. Parce que nous autres, on est des experts, mesdames et messieurs. C'est pas pour rien que vous écoutez Puissance Maximale. Et c'est aussi pour la musique que vous écoutez Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Et on va commencer par une excellente chanson du groupe Bodakdan. Donc, un groupe québécois aux saveurs celtico-traditionnelles. Vous allez voir, là, ça fait penser un peu à du Flogging Molly, à du... un peu du Dropkick, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce groupe-là. On vous envoie leur chanson, Les Trois Capitaines, dans vos oreilles, tout de suite, à Puissance Maximale, sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. C'est comme nous trouvons! Des débarquent sur le quai. Leur objectif est d'y trouver des femmes mariées. Arrivés de nulle part, où là on se fait rare. Allons amis, trouvant ces femmes et usant de nos charmes. J'ai un estomac de plomb. Fais boire tout un mari sans froncer le sourcil. Le deuxième devant certains s'aventure le long du chemin, scrutant fenêtre et balcon, reluquant les jupons. Fils de militaire, je suis ordonné fier, capable de faire plaisir à la plus sèche des filles. Sur la pointe cherchant une proie jouée, qui serait le mêler? Je suis fils de pêcheur et j'ai la faim tout comme le cœur, capable de faire voguer toutes les femmes à marier. Des Cités d'Or, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Bodakdan et les Trois Capitaines dans vos oreilles à Puissance Maximale. Et vous avez entendu la charmante voix d'Esteban des Cités d'Or, aussi connue sous le nom de Madame Jackie Berger, qui est la doubleuse, une doubleuse qui a travaillé entre autres sur les Cités d'Or, mais sur plein de séries de notre enfance que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière à Janimé 2013 lors d'une entrevue qui avait été très plaisante. Et oui, ben vu qu'on veut parler justement de notre retour sur 2013 à Puissance Maximale, écoutez, moi je suis pas mal fier de ce qui s'est passé à Puissance Maximale en 2013. Il y a eu beaucoup de changements à l'émission. Premièrement, on en a parlé tantôt, le site internet qui a été revampé au bout du jour. D'ailleurs, félicitations Andrew. Merci beaucoup Andrew d'avoir fait ça pour nous. 48 heures de mes vacances. Ah, mais c'est pas bien, 48 heures. 48 heures de mes vacances! Non, c'est ça, ce qui fait mal, c'est que c'est tes vacances qui ont goûté, mais grâce à toi maintenant... Ça faisait un an qu'on en parlait. Ouais, c'est ça. Mais grâce à ça, on a maintenant un site web plus fonctionnel, plus esthétique, plus pratique, en tout cas, pour les... En tout cas, ce qu'on fait maintenant avec l'émission Puissance Maximale. Puis on a eu des très, très, très bons commentaires sur le site internet, donc on est bien content que vous l'aimiez, surtout Andrew, bien évidemment. Ça paraît pas, mais en background, il y a des améliorations qui se font pareil. Même toi, t'es pas au courant de mes bidouillages. Ben, c'est ça. Même moi, je suis dans l'ombre de tout ça. Je suis même pas au courant de tout. Mais ça va bien, donc on Allez, oui, j'ai juste besoin que t'opères le site. J'ai pas besoin... Non, c'est ça, parce que c'est moi qui fais... En tout cas, la plupart des postes sur le site, c'est moi qui s'en occupe. Et ça va bien, ça va mieux qu'avant. Ça me prend un peu moins de temps pour la mise en ligne, mais c'est quand même... C'est quand même pas mal de travail dans une semaine Puissance Maximale, on vous le rappelle. C'est un minimum de 5 heures de travail, en tout cas de mon côté, pour mettre l'émission en place à chaque semaine. Donc, moi, je me prépare le matin en me levant. Mais en fait, je dis ça pour faire pitié. Là. Au contraire, c'est pour faire réaliser, mais pour vous dire à combien on vous aime, mesdames et messieurs. On fait ça à travers nos jobs respectifs et autres projets qui s'en viennent. Ce qui s'est passé en 2013 pour Puissance Maximale, bien évidemment, le changement de station de radio. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions avant à Québec, à CKIA. On a fait un beau 5 ans. Ben, en fait, plus que ça, on a fait quasiment 6 ans à CKIA. On entend pas encore un an qu'on est ici. On a entamé notre 7e année ici à CJMD parce que Manu nous a approchés. Puis toute la belle gang de CJMD voulait qu'on s'en vienne. Puis on a fait le saut et on le regrette pas du tout parce qu'on a une vraiment une belle gang de radio à Lévis. Puis en plus, Lévis... on l'aime le monde de la Rive-Sud. C'est sûr qu'Andrew, t'es d'ici, là, pis tu me casses les oreilles depuis qu'on se connaît. Que la Rive-Sud, c'est le fun. Puis t'as raison, effectivement. Puis le monde... Il y a des bons Chichtaouk? Ah oui, au Chichtaouk, on est allé manger avant l'émission. Ah, voyez la transition. C'est super bon, en fait. Moi, j'ai un bon Chichtaouk. Ça fait la job. Puis le leurre est excellent. On a pris la grosse assiette du chef avec... la saucisse merguez. Merguez, le bœuf, le poulet, petite salade, des patates, du riz. Bref, on en a eu... on est plein. On a très bien mangé. Ça se situe sur le boulevard de la Rive-Sud, d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés. C'est dans quel secteur, Andrew? Ben, c'est tout proche de la station, en fait. C'est sur le boulevard de la Rive-Sud, au niveau du club Vidéotron. Dans le fond, proche de la jonction... Président Kennedy et Alphonse Desjardins, c'est pas tout à fait là, mais c'est dans ces environs-là. Excellent. Si vous cherchez une bonne place à Chichtaouk, cherchez la rue Bel Air. Ouais, mais ça, où la station est. Là. Vous allez trouver ça facilement. Donc, ça aussi, c'est un bel ajout. On a des bonnes places pour aller manger, puis on a du temps avant l'émission. Aussi, changement qui s'est passé avec l'émission. Belle collaboration avec l'émission Les Deux Snooze ici à CJMD. Entre autres, une des raisons qu'on est ici aussi, là, c'est les gars des Deux Snooze aussi. Alexandre puis Marcus, salutations les gars. Content, en maudit, d'être vos collègues. Puis on va vous en faire entendre un petit quelque chose tantôt. Là. Ils nous ont amanché des petites surprises. On va vous faire entendre ça tantôt. Ils collaborent beaucoup avec notre émission, nous donnent des coups de main, nous ont... amené à connaître M. Dave Carmichael, qui est la personne qui enregistre maintenant l'émission. On avait des problèmes d'enregistrement. Maintenant, il s'occupe de tout ça. Il m'envoie le fichier. Moi, j'envoie ça sur le site. Merci beaucoup, Dave, d'être maintenant un collaborateur de l'émission. T'es vraiment très précieux à nos yeux. Ça va très bien depuis que t'es là. On va peut-être te donner une carte à Noël cette année. Ah non, c'est ça, l'année prochaine. T'es un Neo Card, là? Ah ben oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Donc c'est ça, en plus de d'avoir changé de radio, c'est pas juste une question de changer de poste de radio, de station, puis mais c'est aussi une question de il y a des gens qui se sont rajoutés, des chroniqueurs, et monsieur Éric Lajeunesse, notre maintenant très célèbre chroniqueur d'accord bière et jeux. Et on m'en parle d'ailleurs. Oh oui, ben on m'en parle de monsieur Lajeunesse, il y a du monde qui nous demande c'est quand que monsieur Lajeunesse il vient faire sa chronique là. C'est toujours la dernière, ben pour ceux qui ne savaient pas, c'est toujours la dernière semaine du mois où Éric est avec nous. D'ailleurs, ce qui nous a amené avec un nouveau partenaire, le dépanneur tout près à Lévis, qui nous fournit maintenant ce qu'il nous faut pour faire nos chroniques bières. D'ailleurs, je sais pas si Éric nous écoute là, mais je vais lui dire quand même en onde, continue d'aller au dépanneur tout près, il aime ça. Ouais, ben on en a parlé pendant le temps des fêtes parce que t'es allé pour faire tes achats de bière pour le temps des fêtes. Éric aussi, quand il est ressorti de là, il y a eu, ben évidemment, on a toujours un super service au dépanneur tout près. C'est pas juste, même avant qu'on soit partenaire avec eux, c'est pas pour rien qu'Éric allait là-bas. Donc, il y a eu encore une preuve qu'on avait du bon service à cet endroit-là. Une super sélection au niveau de la bière, mais aussi des accessoires. Vous avez des verres à bière disponibles sur place. Si vous voulez une botte, il y en a. Ouais, c'est ça, la fameuse botte pour y boire de la bière. On rappelle rapidement, c'est au 97 rue Wolfe à Lévis. Si ça vous tente d'aller justement les rencontrer, vous allez voir, c'est du monde. L'équipe est super le fun. Ils ont une grosse sélection. Ils ont du cidre aussi. Ils ont du cidre. Moi, puis d'ailleurs, normalement, je vais reparler avec Éric, mais la première chronique de cette année, ça sera une chronique cidre pour nous remettre un peu de toute cette beuverie du temps des fêtes qui nous a accablés tous, toutes et tous, autant que nous sommes. Et voilà, donc on remercie beaucoup les gens du dépanneur tout près qui sont maintenant des partenaires officiels de Puissance Maximale, entre autres grâce à M. Éric Lajeunesse. On remercie aussi les gens de CJMD de nous accueillir ici. On encourage tout le monde à écouter CJMD tous les jours parce que c'est une bonne sélection musicale, puis vous avez des émissions de qualité ici. Le Bar Le Globe, à Saint-Romuald, on les remercie, monsieur Michel, pour pas le nommer, monsieur Michel Castegan. Et oui, vous aurez remarqué peut-être un certain lien de parenté entre Michel et Andrew. Évidemment, c'est le père d'Andrew, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans la dernière année. On nous fournissait matériel, plein de trucs. En fait, il nous a tellement fourni de patentes que je m'en rappelle. Il a contribué au financement Indiegogo. Oui. Il nous a fourni un portable. Console. Un MacBook Air, une console, il nous prête des micros. Bref, c'est un partenaire important de Puissance Maximale. Merci beaucoup, Michel, puis à toute sa belle équipe. Puis on vous rappelle qu'au Bar Le Globe, c'est le meilleur karaoké de la région de Québec. C'est pas juste de la Rive-Sud. Non, de la région de Québec. Oh, oui, tout à fait. Moi, j'adore aller au karaoké chez Michel. Ça vaut vraiment la peine. Pauline, l'animatrice... qui est sur place, une perle, toujours le fun, à part avec Andrew, là. Elle est pas fine avec moi. Elle est pas fine avec toi, mais ça vaut tellement la peine d'aller au Bar Le Globe. Puis me voir parler. Au lieu de chanter. Effectivement. Mais ça vaut la peine, Andrew. Ça vaut la peine. Écoute, c'est un beau spectacle que t'offres. Puis, peut-être, c'est pas officiel, là, mais je vais peut-être me retrouver à faire de l'animation. En plus! De l'animation ben là, aux deux semaines. Une autre bonne raison pour aller au Bar Le Globe, aller voir Andrew, premièrement, pour le féliciter de sa bonne job à Puissance Maximale, mais aussi pour aller chanter, grâce à lui, là, grâce à sa belle animation et à celle de Pauline, pourquoi pas aller faire un tour au Bar Le Globe, profitez-en, puis pas obligé d'y aller juste le samedi, là, parce que c'est le samedi à partir de 9h, à partir de 9h30, 10h. Ça dépend de l'achalandage. Si y a beaucoup, beaucoup de monde, il commence à 9h, 9h30, puis si c'est régulier, là, régulier, ça reste quand même très achalandé, là, mais en général, là, c'est 10h, là, c'est l'heure du départ. On commence. Je recommande au monde d'arriver. Arriver à l'avance, vous avez le temps de prendre une petite bière tranquille, vous mettre en train. Puis de vous choisir une bonne place. Parce que les places, à partir de 10h30, là, ça commence à être compliqué. Ça dépend des soirs, là, mais il y a des soirs où on est allé, là, Michael puis moi, là, puis qu'à 10h30, oubliez le projet. Là, vous êtes debout dans le coin. Puis, d'ailleurs, on est allé avec nos amis des Deux Snooze avant Noël. Il y avait de la place, puis en 5 minutes, ça s'est fait. Et voilà, c'était plein. Et d'ailleurs, on a eu la chance, Alex et Marcus ont eu la chance de chanter. Les yeux du cœur de Jerry Boulay et Marjo. Et on avait Marcus qui qui faisait Marjo. C'était magnifique. Et Marcus qui nous a chanté, une version des plus convaincantes de La Dame en bleu de Michel Louvain. Il a fait, en plus, il l'avait bien. Ben oui. Il l'a poussé en paradis à fond, là, mais il l'avait tellement bien. Donc, voyons, vous allez vous faire du fun si vous allez au bord le globe. Et toi, c'est officiel. Qui chantait Fly Me to the Moon, ton classique. Ah ouais, avec ma voix de velours, mon habituel Fly Me to the Moon. Et la bohème, au moment où il y avait à peu près 20 personnes qui sont rentrées dans le bar. Non, écoute, j'avais demandé la bohème et j'ai chanté la bohème. Ça a été comme un chef, comme un champion. Et aussi dans les autres partenaires qu'on a maintenant à puissance maximale, il y a GeekFest Québec, bien évidemment l'événement ludique de la région de Québec qui s'en vient au mois de juillet. Et Geek. Surtout Geek. Allez vous chercher votre passe, c'est disponible. Et le site internet, cher Andrew? GeekFestQC.net. Donc, allez vous chercher vos passes au coût de 15$ pour les deux jours. C'est une aubaine, mesdames et messieurs. Allez vous chercher ça. Ça va se passer au cégep de Limoilou au mois de juillet prochain. Allez sur le site. Toutes les informations qui sont disponibles pour le moment sont sur le site. Le site que j'ai fait, d'ailleurs. Oui, aussi. D'ailleurs, c'est Andrew aussi qui l'a fait. Allez vous chercher ça. Allez vous chercher votre passe. Un excellent cadeau à faire à des amis pour leur anniversaire. Et en même temps, ça va être un des plus gros shows de puissance maximale de l'année, ouais, également. Puissance maximale sera présent pour un show de 3 heures live devant audience et on va essayer de regrouper le plus grand nombre possible des collaborateurs de puissance maximale sur place. On est même en train d'essayer d'attirer d'anciens membres comme François G. Couillard, le grand Manitou, grand mentor et fondateur de puissance maximale, ainsi que Vincent, l'ancien animateur qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a hâte de le revoir d'ailleurs. On aimerait ça qu'il soit présent là-bas. On est en train d'y travailler là, sans relâche pour qu'il soit là. Il s'est passé ça cette année, en 2013, des nouveaux partenaires, plein de changements au niveau justement, mais on a aussi... Ah ben il y a aussi, dans les chroniqueurs, t'as oublié de mentionner qu'il y avait Julien Materne aussi. Ben oui, Julien qui s'est ajouté de façon régulière, finalement, il venait collaborer à l'occasion à l'émission pour nous parler comic book, puis même des fois il passe, il nous jasait d'autres choses, mais là on a officiellement décidé de l'entrer dans l'émission comme notre chroniqueur comic book attitré, il fait de l'excellent travail, il nous arrive toujours avec des très, très, très bonne suggestion. Puis en plus, il nous avait fait une excellente liste d'offres, de propositions de cadeaux pour le temps des fêtes aussi, qui allait au-delà du comic book. Mais très content d'avoir Julien également dans l'équipe pour avoir notre expert en comic book. Puis non, c'est pas juste un liseur de comic book on the side. Là. Il connaît son affaire. Je suis assez confiant. En plus, c'est ça, étant lui-même un joueur dans le monde des conventions aussi, là, il peut faire les parallèles facilement avec plein d'univers reliés à ceux des comic books. Donc, on est très, très, très content de l'avoir. Diego, qui était de retour aussi cette année. Chantal, grosse nouvelle pour Chantal, qui attend un petit bébé. On en a parlé à la dernière émission, c'est qu'on espère que ça se passe bien. J'ai pas eu la chance de lui reparler. On lui souhaite de la bonne année. Bonne année à sa petite famille. Toujours content d'entendre Chantal également nous parler jeux également. Autre nouveauté de 2013, j'ai la chance maintenant de signer une chronique dans le journal Le Peuple de Lévis, une chronique techno à chaque mois. 3 à mon actif, des très bons commentaires jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à ceux qui m'en ont envoyé. Je l'ai posté. Moi, je voulais te le dire, Mike. Il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Moi, j'ai tellement de misère à... Moi, j'ai tendance à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup, puis à m'étaler, puis à prendre le temps qu'il faut, mais là, 450 mots pour faire ma chronique. Donc, faut vraiment que j'aille l'esprit de... Il faut que ça soit concis, que je sois capable d'amener toutes les infos d'un coup, de façon claire, en peu de mots. C'est un gros exercice pour moi, mais je réussis très bien, ça a l'air. Des très bons commentaires de vous, messieurs, mesdames, de puissance maximale, mais aussi d'ailleurs. Donc, je suis très content de cette nouveauté également. Les trucs qui s'est passé l'année dernière, Andrew, on est allé couvrir beaucoup d'événements l'année passée. Oui. Je pense que c'est notre année encore à puissance maximale. On est allé, bien évidemment, à Janimé l'année passée. Toute l'histoire du Musée de la civilisation à Québec pour l'histoire de jeux vidéo, leur exposition. Je suis allé couvrir l'ouverture de l'expo. On est allé à l'événement ludique qu'ils ont fait par gros joueurs, avec l'équipe de gros joueurs qu'on se rappelle plus comment ils s'appelaient. On se rappelle pas de l'événement, mais ça avait bonus stage. Ouais, c'est ça, bonus stage. Voilà, t'as eu ton flash. On est allé couvrir ça. Relié un peu à ça, il y avait le Warp Zone 6. On est allé également avec l'équipe du musée. Ça a tellement été... Moi, je suis allé voir l'exposition au moins 3 fois. Ah, facilement. Moi, je suis allé une fois. Je suis allé pour l'ouverture aux médias. Je suis retourné pour Bonus Stage, j'allais pour Loisome, puis je suis allé une autre fois entre-temps. Là. Je veux dire, j'ai vraiment adoré l'expo. Elle est encore là, d'ailleurs. Oui, je pense qu'elle est là jusqu'au mois de mars. Faudrait peut-être vérifier. 6 avril. Ah, 6 avril, la fin de l'exposition au Musée de la Civilisation Histoire de Jeux Vidéo. Donc, est supposé devenir une exposition permanente. En fait, c'est pas cette... ils veulent avoir une collection non, permanente. Non, c'est pas pour tout de suite, mais si vous voulez aller le voir... dans sa grandiose gloire actuelle, c'est le moment. Et voilà. Dans les autres événements que tu as couvert, Andrew, tout seul, parce que cette année, c'était une première, tu es allé tout seul à des événements. Con Bravo, tu es aussi allé au Festival de la Poutine de Drummond. Oui. Et tu as eu la chance de parler avec les Chicken Swell. Tu as fait une super entrevue avec eux autres. T'es jaloux, hein? Tout à fait. Oui, moi, j'adore les Chicken Swell. Puis tu nous avais ramené... Mais de Con Bravo, tu nous avais ramené, je pense... 15 dédicaces pour l'émission. Tu nous en as ramené une aussi du Festival de la Poutine. Sans compter, je pense, 6 ou 7 entrevues, je pense, que j'avais fait. Oh oui, pas mal. Oh oui. On avait eu du stock. Là, c'est tout sur le site présentement pour aller voir ça. Warzone 6, on en a parlé. J'avais parlé à Game Chaser aussi. Oui, à Grand Bravo. Oui, c'est ça. Ben, dans les autres événements, Warzone 6, on en a parlé tantôt, mais ça a tellement été mon. Je pense que ça a été. Je dirais après, j'ai animé. Je pense que ça a été mon événement ludique de l'année. Ça a été malade. Le Warzone, c'était débile. Je me suis vraiment fait du fun. J'ai jamais vu le temps passer. Non, ça passe. Normalement, c'est rare qu'on reste à un événement vraiment jusqu'à la fermeture, à part j'ai animé parce que Luc trouve toujours une façon de nous garder là. Ouais. Mais, normalement, on fait tout le temps la route, ça, là. Vous allez dire oui, c'était à Québec. Mais même à ça, le Warzone, il finissait tard. Quand même très tard, je pense qu'il finissait vers les 1h, 2h du matin. Ah, ben, il finissait à minuit, mais ils ont prolongé ça. Puis nous autres, on est partis un peu avant la fin. Mais c'est quand il commençait à remballer des trucs. Non, c'est ça. Ça tirait sur sa fin. Là. Donc, moi, j'ai vraiment adoré le Warzone. Salutations aux gens de La Planque à Québec. Magasin de jeux vidéo, là, c'est... On va changer l'étiquette sur le poster. On va finir par venir vous en porter un. Là. Ouais. Je les aime d'amour, ces gens-là. Ce magasin-là, et Jessica, entre autres, là. Salutations. Merci beaucoup de nous avoir invités là. Sinon, rapidement, les autres événements, on est allé à la Fiesta Ludique, voilà pas long. La gang de Philo qui nous ont... encore démontré que le jeu de société est tellement au goût du jour, est tellement diversifié encore. J'ai été très impressionné. Et dans les autres événements, on est allé au marché geek à Québec. Où on a rencontré les Geeks Contre-Attaque. Oui, c'est aussi une belle rencontre cette année avec les Geeks Contre-Attaque de CKRL à Québec. Une émission du même genre. C'est pas exactement... Vous allez, de toute façon, la plupart, il y a beaucoup de monde qui écoute Puissance Maximale qui écoute aussi les Geeks. À Québec, moi j'adore écouter leur émission aussi, c'est bien fait également, des bons sujets. Moi j'encourage évidemment ceux qui écoutent Puissance Maximale à écouter les deux, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment pas le même style, vous allez voir. C'est des nouvelles traitées autrement. Ouais, c'est vraiment bon, moi j'aime beaucoup leur émission, ça vaut vraiment la peine. Puis on va amener Sabrina des Gays Contre-Attaque avec nous à Janimé cette année, on fait une petite collabo. On va lui présenter des gens, on va essayer de faire, on va vous montrer quelque chose de spécial pour cette émission qui s'en vient de Janimé, là. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va revoir Monsieur Luc Biron de Janimé avec nous à l'émission rapidement pour nous faire une promo, pour vous allécher, parce qu'il faut y aller, parce que là, cette année, Joueur du Grenier, d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas annoncé, ça. J'aurai la chance, mesdames et messieurs, bien évidemment, d'avoir des entrevues avec certains invités, mais j'aurai surtout la chance d'animer on pourrait appeler ça des panels, ateliers en grande salle, avec le Joueur du Grenier et Seb, son acolyte. Donc, je vais faire ça le dimanche avec eux, et je vais avoir deux séances également où je vais animer des rencontres avec Monsieur Thierry Bourdon, la voix de D'Artagnan dans Sous le signe des Mousquetaires. Moi, j'étais très content d'apprendre ça. Encore une voix légendaire de mon enfance à qui je vais pouvoir parler, poser des questions. Donc, je vais animer ça, comme l'année dernière, un peu pour ceux qui étaient là avec Madame Berger. Donc, je serai là 3 fois pour animer en grande salle des rencontres là-bas. C'est un rendez-vous. J'ai pas les heures sur moi exactes, là, mais si je me rappelle bien, vendredi soir, autour de 20h avec Monsieur Bourdon. Même chose avec Monsieur Bourdon le lendemain midi, le samedi et dimanche. De midi à 13 ou de 13 à 14h avec le Joueur du Grenier et Seb. En gros, c'est ça. Et là, mesdames et messieurs, les projets pour 2014, on va retourner à Janimé, bien évidemment, on vient de le dire. GeekFest Québec et Montréal, nous serons là, on vous le dit également. On est allé aussi en 2000 GeekFest Montréal, oui, on a oublié de le nommer. Oui, dans ceux qu'on est allé également. Un autre événement que je suis allé sans toi. Oui, c'est vrai, t'étais allé sans moi aussi. Mais on n'en avait pas d'enregistreur, par exemple, cette fois-là. Ouais, mais là, on a jamais été capable d'avoir notre entrevue avec Jean-Philippe Cardin. Non, parce que ça a mal tourné. Finalement, le son était trop mauvais, on n'a pas été capable de... Trois tentatives. Ouais. ça a pas marché. Et évidemment, 2014, on va essayer d'aller à Otakuton, à Comic-Con. C'est toujours plus difficile des fois dans le milieu de l'été. Il y a plein de trucs. On essaye de garder. T'sais, on privilégie toujours les trucs locaux, mais c'est des gros événements. On aime ça y aller également. Puis peut-être qu'Andrew, il a dit qu'il aimerait peut-être ça réessayer Con Bravo. C'est toujours une question de temps aussi, vu le transport et d'argent. Là. C'est des sous quand même. Là. Donc voilà. Écoutez, mesdames et messieurs. Mais si vous voulez qu'on y aille tous. Ben nous autres, on est tous. Offrez-nous de l'argent. Ben oui, ben sans farce, les gens, on avait fait une campagne Indiegogo l'année dernière aussi, on a réussi à amasser un peu de sous, qui va nous aider entre autres d'aller à Janimé cette année. Mais si vous êtes, vous avez des sous à offrir à l'émission, nous autres, on met ça dans le compte de l'émission, puis ça nous sert à nos déplacements, à l'achat de matériel seulement. Donc, si vous êtes intéressé à faire un don à Puissance Maximale, vous êtes toujours les bienvenus, bien évidemment. Vous nous contactez sur la page Facebook de Puissance Maximale, puis on va pouvoir vous donner. Les coordonnées qu'il faut via PayPal pour faire ce don, bien évidemment. Et là, on va faire un petit cadeau, mesdames et messieurs. En fait, je le disais pour 2014 aussi, on va continuer avec Puissance Maximale de vouloir évoluer. On est dans le 2.0, pourquoi pas aller au-delà de ça. Mais une trace de cette évolution-là, c'est la gang des deux snooze qui nous organise un petit quelque chose. On en parlait depuis longtemps avec Andrew, on voulait des indicatifs pour les chroniques, justement, pour nos chroniqueurs, pour annoncer les chroniques. Mais avant ça, on voulait, évidemment, une pub à CJMD. On n'en avait pas encore en onde. On a fait un test. On voulait mettre ça en onde. Mais là, vu qu'on a changé d'heure, comme vous avez pu remarquer, maintenant, on est de 19h à 21h. Il va falloir la refaire. Mais on va vous envoyer la pub qu'on voulait mettre en onde. Puis voilà, ben envoyez donc ça, Andrew. Bonjour à tous, ici Michael. Et Andrew. De Puissance Maximale. Vous intéressez aux univers geek et ludique? Eh bien, écoutez Puissance Maximale. Tous les mercredis, 18h, sur les ondes de CJMD 96.9 FM. J'aime beaucoup la voix d'Andrew là-dessus, là, le petit accent, là. FM! FM! Ce qu'on fait toujours à l'émission pour rire, avec la chanson de Skyrim en 8 bits, parce que je pense que depuis les 3 dernières années, c'est un des jeux duquel on a le plus parlé. Ça vaut la. En tout cas, moi, je l'aime, la pub. Si. En tout cas, j'espère que vous aimez ça aussi. Ça, c'est Alexandre qui nous a monté ça. Puis, après ça, il nous dit ah, je vais vous monter de quoi pour vos chroniques. Fait qu'on va vous envoyer ça dans vos oreilles. On pourrait commencer par la chronique de Diego Lamana, qu'on devrait avoir la semaine prochaine, mais on va vous envoyer ça en primeur, là, le thème de sa chronique. Ouais, mais c'est ça, je la mets, mais il y a skip. Non, mais c'est ça, je vous dis ça rapidement, la chronique de Diego, la chronique de Pierre-Luc, qui est sécurité informatique, la chronique comic book de Julien, la chronique jeu de plateau de Chantal. Regarde, c'est pas compliqué, là, je vais dire dans l'ordre, je vais y mettre, je les ai toutes mis, là. Ah, OK. OK, il va y avoir... Ben, en fait, on le dit dans la chronique, pas obligé de le dire. Envoyez donc ça. Puissance Maximale vous présente la chronique académique. Pour Diego. On jase de comic book. Puissance Maximale. Vous avez reconnu pour Julien, bien évidemment, comic book. Là, je joue aux jeux vidéo, mais il me semble qu'il me manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Pour notre ami Eric. Envoyez nos petites games de Battleship. C'est-tu normal qu'on se sente coupable? Chaque fois qu'on joue, ça nous fait mal. Les jeux de plateau. Menace fois vulnérabilité. Ça, c'est le Chantal, sur contre-mesure de Pierre-Luc. Égale risque. Cheval de Troie. Spybot. Malware. Firewall. Pour te retrouver là-dedans, faut que t'écoutes la chronique Sécurité informatique. Et voilà, c'était les indicatifs que les gars des deux snooze ont concoctés pour nos chroniqueurs. On était très contents d'entendre ça. Le Battleship, j'ai vraiment parti à rire quand je l'entends la première fois. Donc voilà, dans les nouvelles choses qui arrivent à Puissance Maximale pour 2014, des indicatifs pour les chroniques. Vous allez entendre ça maintenant à chaque fois que nos chroniqueurs seront en onde. Puis autre chose, on donne pas de date encore, mais t'es, je vais dire deux mots. Application mobile. Ouais, on dit ça de même. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On vous dit ça comme ça. Écoutez, mesdames et messieurs, c'était notre rétrospective 2013 qui s'en vient 2014. Nos réflexions sur l'évolution de l'émission. J'espère que vous êtes contents de ce que l'émission est en train de devenir au fil des années, au fil des mois, des semaines. Nous autres, on est très contents du produit qu'on est en train de faire, entre autres avec monsieur, avec Dave aussi, là, qui enregistre l'émission. Quand il nous montre ça, il nous fait des beaux fondus avec les tunes, là. Ce qu'on habituellement n'est pas capable de faire ici, parce qu'on connaît pas toutes les tunes par cœur. Donc, c'est le rendu en radio commerciale, là, qu'il arrête de parler juste au moment où le gars commence à chanter sa tune, là. C'est qu'on est rendu avec ça, puissance maximale. On est rendu hot demain. C'est rendu que le podcast sonne mieux que l'émission. Ouais, c'est sûr qu'on peut arranger des trucs qui marchent pas en live, on l'arrange en podcast, c'est sûr et certain. C'est sûr que ça aide, mais bon. Et voilà, c'était ça, puissance maximale en 2013, et ça va être encore mieux en 2014. J'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre, et qu'il y aura encore plus de monde, que vous allez pouvoir parler de cette émission-là à tous vos amis, de cette émission de qualité qu'est puissance maximale. Et évidemment, qui dit émission de qualité, dit musique de qualité. Et là, on va aller écouter une chanson qu'Endo m'a fait découvrir, un groupe qui s'appelle Starbomb, et c'est une chanson qui s'appelle Sonic's Best Pal. Vous allez voir, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup ça. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Hey kids, would you like to hear a fun story about Sonic and Tails? Eat a kick! Great! Here we go! Sonic the Hedgehog, hero to all. When the world needed saving, he would answer the call. His little friend Tails was part of the team, but he was shitty and small and had low self-esteem. So when they gathered all the chaos and rules, Tails took the man, put him under his genitals. He pawned them all in a spending spree for his crippling addiction to PCP. Come on, Sonic said, let's go collect rings and run through the meadow and jump on spring. We'll laugh and we'll play all day and all night while your eyes are red, Tails. Are you feeling alright? Yo, fuck your rings, Sonic! It's time to get real! I wanna kill a motherfucker just to see how it feels! If you get a command, you better come at me strong. I'll break your sorry ass legs if you look at me wrong. I'm Tails the Fox, you little bitch, and I'm on the attack. My endocrine system is fucking riddled with crap. Now I've got hallucinations that are out of control, and I can taste colors, and I'm gonna skull fuck your soul. Yeah! Hey Tails, we've got fun times in store. What's the first thing you'd like to do today? Park! Hi, you're funny, we'll have a great time. There are lakes to swim in and mountains too. Park! So Sonic and Blaze played a game of lacrosse while Tails slammed a bunch of sluts like a boss. He was about to bust nuts all up in a hoe when Robotnik showed up. Ah, hell no! Tails knew he must defend the whole city, so he stopped doing blow off the hooker stank titties. Sonic said, Robotnik, you gosh darn clown, I'm gonna jump on you until you fall down. Hey, stand the fuck back! I got a better solution. It's time for old school street justice, death, execution. Rubble bitch, here's some motherfucking caps for your head. Wow, wow! Now the egg shaped cocksucker's dead. I'm Tails the Fox, do I have to fucking say it again? I am exploding with evil that you cannot comprehend. I just committed a murder, but there is no time to rest. Let's get our friends over, have a giant forest fork fest. Sonic was too traumatized to reply. It was the first time he'd ever seen another man die. But it wasn't the last. Tails made sure of that when he broke Big Spine and wore his ass as a hat. Tails the Fox, his mind is blown. He'll kick you right in his special zone. I think I'm gonna call the cops on him, but he will never know about it. Oh, fuck! Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après cette chanson, ma foi... plus intéressante, et vous entendiez Sonic's Best Pal du groupe Starbomb, qui fait un peu finalement du remix de chansons de jeux vidéo, mais avec des paroles. Ouais. Très bon. Ils ont un premier vidéoclip pour Luigi's Ballad. Ouais. Il est bon. J'avais bien aimé la chanson. Puis leur album il est pas cher aussi, puisque c'est un groupe indépendant, donc encouragez-les en achetant leur tune. Voilà. Et maintenant, M. Castagan, tu vas nous parler d'un jeu, ma foi, un classique. Mais revampé, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle Shadow Warrior, et c'est revampé. C'est pas le jeu exact du temps. C'est comme un hommage / reprise. Ouais, ben en fait, c'est un reboot de la série Shadow Warrior qui date de 1997, qui était un jeu fait à l'époque par 3D Realms, d'ailleurs par la même gang qui avait fait Duke Nukem 3D, pour être plus exact. Parce que, en fait, chose à savoir, Shadow Warrior, c'est un peu comme un Duke Nukem, mais genre avec un Asiatique comme héros qui se bat contre des démons avec un sabre, mais il y a un langage aussi vulgaire et salé que Duke Nukem a dans ses jeux. Fait que pour bien résumer là, à ce niveau-là. Tandis que là, à un moment donné, il y a un studio qui est Devolver Digital et Flying Wild Hog qui ont racheté, dans le fond, les droits à 3D Realm pour Shadow Warrior et ont dit « Nous, on veut ramener Shadow Warrior dans les plateformes récentes. » Donc, ils ont décidé de sortir un nouveau jeu en 2013, donc le 26 septembre, pour être plus précis, disponible actuellement pas en copie physique, mais vraiment sur les systèmes de distribution digitale Steam ou GOG, Good Old Games. On l'aime beaucoup, cette plateforme-là. Exactement. Et donc, là, je poste tout de suite un lien YouTube pour aller voir un peu une vidéo directement sur le site, en fait, la page de Puissance Maximale sur Facebook. Voilà. Donc, Andrew... Oui, donc dans le fond, on décide de ramener le jeu à saveur du jour, donc avec un nouvel engin graphique et tout et tout. Je vous dirais que Devolver Game et Flying Wild Hog, et c'est sûr que c'est pas un studio qui a autant de budget que EA ou encore Square Enix. Fait que c'est sûr qu'en frais de jeu, attendez-vous pas à avoir un engin graphique à acheter par terre comme Battlefield 4. Mais je vous dirais que c'est loin d'être le jeu le plus laid que j'ai vu de ma vie. Parce qu'ils ont quand même gardé, comme les gens pourront voir, ils ont quand même gardé un look rétro, là. C'est ça, il y a certains passages du jeu où vraiment ils ont gardé un look rétro. Il y a certains moments où même on voit des sprites, genre dans le fond des personnages pixelisés en 2D, vraiment comme le style 2D qu'il y avait dans Duke Nukem 3D. Okay. Puis c'est vraiment juste pour faire des clins d'œil, dans le fond, à l'ancien jeu. Il y a des hidden passages où on se ramasse, dans le fond, dans des vieilles salles, vraiment des vieux jeux. Et il y a même un moment donné, des vieux joueurs de Shadow Warrior vont s'en rappeler, il y avait un temple, un moment donné, où il y avait un bain. Où, dans le fond, il y avait le monde où, normalement, les Japonais vont pour une source d'eau chaude, dans le fond. Okay. Et il y avait une place, un coin où on arrivait, où une cascade d'eau. Et il y avait une fille qui était tout nue, en train de se laver, puis en train de chanter. Puis quand on allait la voir, ben, mettons qu'on la regardait trop longtemps, elle pognait les nerfs, puis elle commençait à lancer des boules de feu sur le joueur, puis on pouvait mourir, puis il fallait la tuer. Ils ont fait un clin d'œil à cette scène-là, sans la frustration de la fille qui nous lance des boules de feu. Mais il y a un moment donné, un endroit où il y a des cascades. Okay. Où on peut, dans le fond, en fouiller un peu, tomber sur une chute où il y a la fameuse fille. André de se laver, c'est exactement le même sprite qu'à l'époque. Donc, c'est quand même des petits clins d'œil que je trouve le fun qu'elle ait fait dans le jeu. Sinon, ben on retrouve dans le fond, au niveau là, de Shadow Warrior, une histoire assez classique. En fait, on joue Lo Wang, qui est dans le fond un assassin qui travaille pour un mania industriel qui s'appelle Orochi Zilla. Oui, il y a beaucoup de clins d'œil ridicules. Et dans le fond, il est dans le fond engagé pour aller récupérer une épée, un collectionneur du nom de Miyazaki, pour un montant de 2 millions de dollars. Et si le gars en question refuse la vente, ben il a comme contrat de l'éliminer et ramener l'épée de force. Et qu'est-ce qu'on apprend plus tard, c'est que dans le fond, c'est une épée légendaire qui est une épée légendaire pourfendrice ou peu importe le terme, là, qui sert à tuer des démons. Ah, voilà. Et voilà. Et dans le fond, on se retrouve un peu mêlé dans une guerre semi-dimensionnelle où il y a des démons, dans le fond, qui débarquent dans le monde des humains et fout le chaos pour récupérer cette épée parce que un démon qui a une épée qui tue des démons, ben ça fait un démon que les autres craignent. Fait que on voit un peu une lutte infernale que malgré tout le monde des hommes est mêlé. Et nous, ben Lo Wang étant un fan du Shadow Warrior original, ben se rase la tête et met le suit du gars original avec son sabre et il décide d'aller se battre contre les démons. C'est quand je parlais de dommage là, c'est de ça que je voulais parler. Fait que dans le fond, je vous dirais, j'ai été quand même relativement très surpris par ce jeu-là, parce qu'en fait, c'est un jeu que je m'attendais à rien. Parce que, si on parle des reboots, on va parler de Duke Nukem Forever. On va leur faire, c'est vraiment, on refait le jeu complet, là. Mais pas dans ce cas-ci, là. On a vraiment, on l'a revampé, puis... Non, mais c'est ça, mais t'es comme Duke Nukem Forever, t'es... Il y a beaucoup de monde, des fans de l'époque, qui s'attendaient à un jeu Duke Nukem pur et dur. Mais là, ils ont comme voulu le mettre le gameplay à saveur du jour où on peut pas traîner autant d'armes qu'on veut et tout ça. Mais tu sais, le monde, ils ont décrié en disant « Ouais, mais c'est pas ça, Duke Nukem. T'sais, si je joue à Duke Nukem, je veux un jeu première personne fait totalement bourrin. » Ça faut-tu 10 ans qu'on attend après ça? T'sais, on veut avoir un Duke Nukem, là. Si on voulait avoir autre chose. Ben, c'est ça. Tandis que là, Shadow Warrior, ben, ils ont compris tu joues à Shadow Warrior en 1997, puis tu joues à Shadow Warrior en 2013, le squelette du jeu, il est le même. Ils se sont pas cassés la gueule, ils ont mis juste un système, dans le fond, de mise à jour. Dans le fond, tu peux améliorer tes armes à l'aide des esprits des démons que tu tues, des choses comme ça. Tu vas augmenter des tatous pour te donner des pouvoirs, mais c'est pas nécessaire. Mettons que tu veux tout simplement t'en foutre et te battre avec ton épée, puis tes pouvoirs de ninja comme qu'il y a dans 2013, ben tu peux carrément te foutre du système de mise à jour et jouer bourrin. Okay. Comme la bonne vieille école. Ben, à l'époque, ouais, c'était pas trop compliqué, là. C'est on ramassait des armes, on rentrait dans le top, merci, bonsoir. Et on retrouve, dans le fond, toute la mentalité, l'humour vulgaire et tout, et l'humour mature, dans le fond, qu'on retrouve dans le vieux Shadow Warrior. Quand on dit humour mature, là, c'est mature dans le sens de, justement, d'humour vulgaire et tout, là. Pas mature dans le sens humour intellectuel et recherché. Non, c'est ça, vulgaire. Et dans le fond, on vient retrouver dans le fond toute cette source-là rétro de la franchise. Ça n'a pas été dénaturé par une compagnie qui voulait rendre vraiment un reboot complet de la franchise. Fait que ça, c'est niaiseux. T'sais, c'est un aspect réchauffé un peu, mais en même temps, c'est frais. Je trouve qu'on était dû en 2013 pour avoir vraiment un jeu de tir à la première personne totalement bourrin, qu'on n'a pas besoin de se casser les noix, si tu me permets. De se faire chier avec des systèmes de d'update d'armes puis de tu sais on rentre dans le tas, merci bonsoir. Ben c'est ça. Ça fait du bien, c'est fait. Ça fait du bien. Puis en plus, le jeu, il est gore. Il y a de la décapitation, mes amis, parce que tu sais on se bat avec un katana là, quand même là. Ben comme à l'époque. Ben, à l'époque, c'est un jeu quand même assez hardcore au niveau du visuel, là. Ils ont gardé ça c'est le fun. Fait que moi, je vous dirais là que c'est un jeu qui ne coûte pas si tant cher que ça. Je vais faire la recherche en même temps que je vous parle. Mais tu sais, je vous dirais... Moi, j'ai 9,99 US sur Steam. Ah oui? Ouais. Il a rebaissé de prix. Il est à combien? Ben moi, il est à 20 piastres. Est-ce que tu te serais fait avoir, Andrew? Ben non, c'est juste que c'est signe que ça marche bien. Effectivement. Mais bref, oui, ben donc tu disons, on pourrait dire combien d'étoiles de ninja? C'est 39,99. On a peut-être 39,99. Ouais, toi, c'est le classique Redux que tu regardes. OK, puis c'est pas ça? Non, c'est Shadow Warrior. Ah, OK. C'est ça. Ah bon, mais ça veut dire que j'ai pas posté le bon vidéo. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Ah voilà! Bon, ben, je vais essayer de trouver le bon vidéo à ce moment-là. Ben c'est à cause qu'il faut faire attention parce que le nom de code pour le différencier c'est Shadow Warrior Redux, mais c'est pas le classique Redux, faites attention. Ah voilà, bon ben je vais essayer de vous trouver le bon vidéo à ce moment-là, je m'excuse. Donc bon, ouais, 39,99, donc ouais, bien entendu, là, d'après ce qu'on a pu comprendre, tu le recommandes ce jeu-là pour les amateurs oui. de first person shooter. Donc combien d'étoiles de ninja sur 10? Sur 10, je lui donne un 8. Quand même. Un 8, parce que je donne pas une note parfaite, parce que ça reste quand même un jeu, comme je dis, qui a pas une si grande histoire que ça. Là. Ça reste un jeu totalement... C'est ça, on va le redire bourrin. C'est ça. Mais il en vaut vraiment le détour. Surtout si vous avez joué au vieux Shadow Warrior. Là. Sérieusement, là, très bel job là, qui a été fait là, au niveau du studio. Là. Puis en plus, restez à l'affût sur Steam, il tombe régulièrement. En spécial. Oui, c'est pour ça que j'avais l'air de vraiment, comment je pourrais dire ça, m'acharner sur le fait des graphiques, c'était rétro. Moi, je pensais qu'on avait le classique, parce que moi, j'ai pas joué. Puis le vidéo que je voyais, c'était le classique. C'est pour ça que j'avais l'air mêlant un peu tantôt. Mais je vous poste tout de suite la vidéo que j'ai trouvée. Dans la vidéo de lancement, là, parce que là, pour le moment, je pense que... En tout cas, bref, je vais vous faire ça pendant la prochaine chanson qu'on va vous envoyer tout de suite dans vos oreilles. Donc, Andrew nous met un 8 étoiles de ninja sur 10 pour Shadow Warrior, nom de code Redux, là, pour cette nouveauté. Ben c'est ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire dans Steam ou GOG. C'est juste parce que si vous voulez chercher des références sur Internet, genre un Wikia ou... des articles ou des choses comme ça pour voir des critiques, généralement, les sites vont mettre le terme Redux après. Voilà. Donc, on disait 8 étoiles de Ninja sur 10 pour Andrew pour ce jeu-là. Allez, vous cherchez ça sur Steam, GOG ou, bref, sur ces plateformes-là pour vous faire une petite partie de jeu de tir bourrin, comme on les aime, ou en tout cas aussi comme on les aimait à l'époque. Donc, la prochaine chanson sera une... En fait, on pense qu'on va y aller... deux chansons back-à-back pour vous amener vers la deuxième heure de Puissance Maximale. On va y aller en blues folk avec Bernard Adamus. Une super belle découverte musicale que j'ai... Mais redécouverte, en fait, je connaissais déjà Bernard Adamus, mais là, je me suis vraiment attardé à ces deux CD. J'ai vraiment été jeté sur le cul. D'ailleurs, avec monsieur Éric Lajeunesse, on est allé voir un show ensemble. Excellent en spectacle. Comme disait Éric... Quand tu vois que le gars qui joue du tuba a plus de t-shirt, tu sais que le show, ça y va. C'est un bon... On est à la bonne place. Donc, on va vous envoyer 2176 de Bernard Adamus et tout de suite après, Welcome Home Sanitarium de Metallica. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale et on vous revient pour la deuxième heure tout de suite après sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. L'homme de la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. Ah ouais, pas le barbec, moi je vais aller au dep chercher des frettes. Mais le valet vient d'arriver, fait que je vire de bord, j'y donne deux becs. Elle s'est DJ traînée, c'est l'hôtesse de la maison. Les yeux verts, les cheveux roux avec une maudite tête de cochon. Allongé, les grosses dopes tombent en amour, pas de sa faute. Vos craques ont bien fait ça, le petit est drôle comme ça se peut pas. Tantôt c'est le plus fort, il attendrira le cœur à ma tort. Quand il se prend pour Flash McQueen ou bien qu'il joue hockey dans le corridor. Et watch tes tibias quand ça se transforme en pirate. 3 ans, un épée de bois, du torque, pis ça frappe. On est du ban 7 au 21, 76 avec nos gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est du ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rire en dessous de nos cernes. La carotte qui se ramène à bisouner toute la semaine. 50 heures dans le punch clock, un gros salaire, pas une question de luck. A quasiment tout essayé, même les ballons sur son nez. Reste rien qu'une petite question, Wester, et puis c'est celle du bonheur. Hey beau bonhomme, il est pas bête, en plus de ça, il est honnête. Il manque rien qu'une petite bonne femme pour que son petit cœur soit en fête. Il traîne avec la fille aux cheveux de Sean Blay, pis tant qu'à moi, ils ont un drôle d'air d'aller. L'amour, c'est pas évident, s'entend avec un autre sto stuff, quelque soit, c'est ceux qui look la grosse tonnette fait filer comme un homme. Il me semble que toi tu marches droit pis elle la pense comme un bum. On est-tu ban 7 au 21 76 avec nos gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est-tu ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rédanceau de nos cernes. Sophie pleine d'amis, toutes ses cartes à l'appui. De la parleuse puis du sourire, 3-4 vies d'un vieux pays. Des centaines de grosses filles, Hawaii, Amsterdam, Ecstasy. Mais le miroir, miroir, qu'est-ce qui fait le l'hostie de cheveux gris? 20 ans de grosse liberté, pas de stress puis pas de rush. Mais la quarantaine a vient de sonner puis pas de bonhomme, c'est un peu poche. Côté trophée, cœur en or, elle fracasse tous les records. Mais comme laver du linge, c'est dole, mais j'y pardonne ces deux bords. Puis si Toto c'était le plus fort, je pense que Vigneault c'est le plus beau. Bonhomme, y'a jamais eu de piole, il croise une bonne femme, il pointe deux flots. Sa Jessin at Beasonville, quelque part à Shawinigan County. A poigné les hobo blues à 15 ans, sacré son can après-midi. Des fois que je pense que je comprends ce que son sourire sous-entend. Les gros amours avec maman, mais avec dad, moi évident. On est dessus, ban 7 au 21, 76 avec nous. Gros travail, puis toutes nos histoires de baise. On est dessus, ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rédance sur nos cernes. autre vie, je pense que j'étais un 18 roues. Je buvais du gaz, puis je mangeais des clous. Si j'étais pas un Peterbilt, je devais être au moins un Kenworth. J'ai pris de la bière et Codibi quelque part en banlieue de Perth. Chance que j'ai rien dit puis que j'ai rien raconté. Leurs histoires, c'est pas de mes affaires. Chez nous, l'amitié, c'est un peu élevé. On a des grosses histoires d'amour, on parle tort pis c'est l'eau. Pis quand tu fuck avec la poque, mais pas de chance pis good luck. On est-tu banni 7 au 21, 76 avec nous. Gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est-tu malheureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rire en dessous de mes cernes. Yeah. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après d'excellentes chansons, bien évidemment. 2176 de Bernard Adamus, c'est Welcome Home Sanitarium de Metallica, que Vincent Langlois a beaucoup apprécié d'ailleurs. On est en train de lancer justement l'ancien animateur de l'émission, qui est un fidèle auditeur encore, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé notre choix musical. De rien, Vincent, ça nous fait plaisir. Puis on en mettra plus. On en mettra plus. Mais c'est ça qui est le fun avec deux heures. Metallica, ils ont des excellentes chansons, mais elles sont plus longues un peu. Puis quand on va avoir du temps pour parler, c'est toujours plus maudit de faire des choix. Faudrait lui mettre du Megadeth aussi, moi. Oui, mais j'en ai pas beaucoup chez nous. J'en ai, moi. Ah, ben, tu viendras chez nous, on pourra s'écouter ça. Mais je te mettrai ça sur le drive, mon cher. Ah oui, c'est vrai, on utilise maintenant. Je te fais une petite sélection personnelle, puis je te mettrai ça sur le drive. Ben, tu m'enverras ça. C'est vrai qu'il y a du Megadeth, ça manque. Toujours bon. Oui. Slayer aussi, on n'a pas mis de Slayer. J'ai jamais mis de Slayer à l'émission. Raining Blood, là. Ça ferait du bien. On est des gros, on est des bons amateurs de métal à l'émission. Vous avez bien compris de ça. En tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis, depuis qu'Andrew et moi, on est là depuis 2 ans et demi et quelques, là, vous avez sûrement compris qu'on aime bien ça. Mais bref, on va vous amener, on va vous mettre des trucs. Mais Starbomb, c'est ma découverte. Ouais, c'est vraiment bon. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est ça que ça fait qu'on parcourt les internets, surtout YouTube. On peut trouver des belles perles à ce niveau-là dans le... Disons, dans la musique ludico-remixée, on va appeler ça comme ça. Et là, M. Castegan, on parle musique, mais il est temps de parler jeu. Et on va faire ta deuxième critique. Et là, on va parler de Saints Row 4. Oui, donc quatrième volet de la saga de... Qu'est-ce que t'allais dire? J'étais sûr que t'allais dire opus. Non, volet. C'est bon, belle utilisation. Ah. Ouais, c'est correct. Il faut bien utiliser des synonymes une fois de temps en temps. Fait que quatrième volet de la série Saint Row, jeu qui malheureusement n'a pas été sorti par THQ. Faut savoir que c'était une des franchises du défunt studio. Mais oui, malheureusement, mais ça a été racheté et ils ont finalement. C'est quel studio qui signe le quatrième opus? Deep Silver. Qui ont été le studio qui ont acheté, dans le fond, Volition Inc. Là, ma question par rapport à ça, est-ce que le projet Saints Row 4 était déjà en branle quand ils ont acheté? Aussi? Oui. Okay, oui, il était déjà en place. Ils n'ont pas commencé de zéro, là. Non. Ils ont récupéré, là, dans le fond, le projet pour le mener à terme, là, au niveau là, de Saints Row. Juste pour vous donner une idée, Deep Silver, c'est ceux qui sont en arrière des jeux comme, exemple, Dead Island, Ryzen, Sacred, Stalker, Warhammer, Mark of Chaos. OK, c'est pas des deux de pique, là. Non, c'est ça. C'est pas le plus gros studio. Ils ont quand même sorti des titres intéressants. Oui, c'est ça. C'est Catherine. Bon, pour nous oui, c'est vrai, Catherine. Okay. Mais pour nous rappeler un peu, Saints Row, c'est quoi? Jeu un peu open world à la Grand Theft Auto, mais plus arcade. Oui, beaucoup plus arcade, beaucoup plus à saveur exagérée, humoristique. T'sais, c'est pas de la simulation, là. T'attendez-vous pas à jouer un véhicule, là, puis que le véhicule réponde au quart de tour, puis tout, là. C'est pas ça l'objectif c'est de Saints Row. C'est fait pour être spectaculaire. Là. C'est fait pour être spectaculaire, faire une critique un peu sociale, faire une critique, dans le fond, du style de jeu de GTA, dans le fond, rire un peu de ça. Parce que c'est ça, on va vraiment au bout là, du concept, là, on va à l'extrême. C'est ça, puis on fait aussi des clins d'œil à des films, à beaucoup d'éléments de la culture pop américaine, là, que ce soit cinéma, internet ou... Musical, ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est comme... Je vais faire un parallèle, mais je trouve que c'est comme un peu le film de peur des jeux vidéo. Ouais, je vois le genre Paradis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je parle pas après de qualité. Mais là, je veux dire, ça reste un bon jeu dans ce genre-là. C'est juste qu'il pousse le concept à l'extrême. C'est ça, voilà. Exactement. Et dans le fond, juste pour vous faire une petite histoire, pour faire un background, pour voir jusqu'à où ça s'est rendu, Saints Row, le premier qui a été sorti, en fait, était vraiment un GTA-like. L'objectif de Volition était de vraiment faire un compétiteur direct à GTA. Avant, c'était un titre qui était exclusif à la Xbox 360, puisque dans le fond, les GTA, faut savoir, étaient avant tout une primeur PlayStation avec Sony. Ils n'étaient pas exclusifs, mais c'était une primeur. Fait que, c'était un peu comme leur façon de désarmer un peu la primeur de Sony en sortant un jeu semblable sur leur plateforme. Donc, D'où l'origine de Saint-Ouen. Saint-Ouen n'a pas eu un si grand succès que ça. Il n'a pas été descendu par la critique, mais beaucoup de monde faisait des parallèles avec GTA en disant que « Ah, c'est mieux dans GTA, c'est mieux dans ci, mieux dans ça. » Fait que quand ils sont arrivés à Saint-Ouen 2, ils ont poussé un petit peu plus loin en mettant beaucoup l'emphase sur les gangs de rue, faire de l'humour vraiment guerre de gangs de rue. C'était plus humoristique, mais encore là, on n'avait pas encore le jeu à l'extrême, comme on a vu dans Saint-Row 3. Ouais. Où là, Saint-Row 3, Volition ont fait « Bon, ben, gars, c'est fini. Là, on sera jamais capable de se faire reconnaître comme étant un GTA. On sera jamais capable de surfer, dans le fond, sur la popularité que Rockstar ont. Fait qu'on va faire notre propre concept à nous autres, où là, ils ont décidé d'aller vraiment dans l'extrême. Donc, dans le fond, Saint-Row 3, c'est un jeu très, très arcade, très film d'action à la Hollywood américaine. Donc, ouais, même à l'asiatique, un là, peu aussi. Les films d'action chinois, pas de kung-fu, mais vraiment là, de Hong Kong, là, elle a un peu à la Jackie Chan, ça saute partout, ça fait des choses invraisemblables. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est le fun, ça fait vraiment un jeu d'action malade. Là, mais c'est ça, t'es comme rentrer dans un avion, tuer un gang de rue dans l'avion, le faire exploser, sauter en parachute. Je vois ça, puis ressortir par la vitre du cockpit en avant avec un parachute, puis rattraper une fille qui tombait pendant tout ce temps-là dans les airs. Ben, c'est ça. C'est pour vous donner une idée. Là. C'est ça. T'sais, c'était pas un GTA, mais quand on jouait, en enlevant le fait que c'était un jeu à la GTA-like, si vous me permettez l'expression, ça restait un jeu quand même très divertissant. Peut-être un peu court, à mon opinion, je trouvais qu'il était court, le 3. Donc, dans le fond, au niveau du 4, ben, c'est une suite directe, dans le fond, de Saint-Row 3. Parce qu'à la fin de Saint-Row 3, on devient le chef de la ville et tout ça. Et même à un moment donné, ils font un clin d'œil en disant, ah, il me reste juste à devenir président des États-Unis. Ouais, parce que les Saints, dans le 3, ils ont c'est comme une marque de commerce, en fait. Puis t'es comme président de la. Ton personnage comme le chef de la gang, donc président de la compagnie. Puis on est rendu à un point assez élevé, là. C'est ça. Fait que là, dans Saint-Row 4, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que. Finalement, les Saints sont rendus président des États-Unis. Fait que, sur exemple, les cotes de sondage sont pas très, très en faveur parce que, malheureusement, un gouvernement, un État géré, ben pas un État, mais un pays, en fait, géré par les Saints, ça équivaut publicité, sexe, drogue et beuverie à la Maison-Blanche. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est que, dans le fond, le monde, ils sont pas satisfaits de tout ça, puis ils trouvent que le président ne fait pas grand-chose à part faire des parties. Qu'est-ce qui est vrai? D'ailleurs, on fait notre première décision présidentielle au début du jeu, où on décide de soit abolir la faim dans le monde ou de bannir le cancer. Voilà. Et tout simplement, c'est ça qu'il fallait faire. Ben, c'est ça, exactement. Et je me rappelle pas exactement pour la fin du monde, c'est quoi qui est le titre, mais le titre du décret pour la fin du cancer, c'est « Fuck cancer ». D'ailleurs, j'ai vu du monde qui avait des gilets comme ça. « Fuck cancer ». Ben, en fait, j'ai vu des photos de gens hospitalisés pour le cancer qui portaient ces t-shirts-là. Ouais, je trouve que c'est bien envoyé, moi. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est... C'est aussi simple que ça, enrayer le cancer dans le monde. C'est faut demander au président des États-Unis qui signe une déclaration « Fuck cancer » et voilà, c'est réglé. C'est réglé. Et tout ça pour dire que, dans le fond, les Saints sont les maîtres du monde comme étant président des États-Unis. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que des extraterrestres viennent envahir la Terre, en fait détruire la Terre pour être plus précis, et kidnapper tous les êtres les plus intelligents de la planète. Donc, veuillez insérer ici une bonne gang des Saints, puis quelques scientifiques et tout ça, et les mettre dans un état endormi, et pour se retrouver dans le fond dans la ville de Steelport, qui est la ville qu'on avait dans le 3, mais une ville digitalisée, un peu à la Matrice. OK. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent contrôler l'humanité en les mettant dans ce genre de phénomène-là pour détruire la Terre et faire hausse affaire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce que je suis rendu juste à 53% du jeu. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, au début, on est un peu dans cette réalité-là, juste à temps qu'on s'en rend compte et qu'on décide de se réveiller. Donc, on se rend compte que l'humanité sont dans des cocons, et là, il y a des vaisseaux, puis c'est dans des gros tunnels. vraiment un décor à la Matrice. Ouais, ouais. Là, plus je t'écoute, ouais, ben le c'est parallèle ça. Est facile à faire. Fait que là, dans le fond, le but, c'est de réveiller l'humanité, prendre la revanche et botter le cul à la Zin Empire. Et dans le fond, tout ça en commençant par prendre le contrôle de Steelport dans la Matrice et ainsi montrer aux extraterrestres que non, les humains se laisseront pas dominer par cette race par le biais d'une Steelport virtuelle. Good. Donc, on continue avec le concept à fond la caisse. Pour le, est-ce que le gameplay change beaucoup comparé non, à... Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose à quelques détails près. Puisque là, puisqu'on est dans une réalité virtuelle et qu'on est l'élu, on peut courir à des vitesses impressionnantes, sauter par-dessus des buildings et avoir des pouvoirs de télékinésie et manipuler la matrice. Là, sans faire, j'ai le goût de jouer. Tout d'un coup, j'ai comme le goût de jouer. Faut que j'essaye ça. Mais tu sais, dans le fond, on retrouve la grande majeure partie des engins qui étaient déjà en place, dans le fond, dans Synthro 3. Je vous dirais que j'ai été surpris, parce que j'ai joué sans grosse attente à ce jeu-là, parce que tu sais, j'ai été un peu comme toi, Mike. Avec j'ai fait des extraterrestres, ouais. Mais, c'est peut-être rendu trop loin. C'est ça, mais tu sais, je dirais que versus Synthro 3, oui, ils sont rendus trop loin. Peut-être qu'ils vont backtracker avec un Synthro 5 ou quoi que ce soit. Je trouve que le jeu est comme a évolué à une étape où là, c'est comme, OK, les gars, vous allez faire quoi après? Ils vont aller se battre contre Dieu. Vous avez comme pété la planète. Là. La Terre est plus là, là. À moins qu'il y ait une twist à la fin à la chose de Fanan. Mais... M. Night Shyamalan. C'est ça, à moins qu'il y ait une twist de même à la fin de l'histoire. Là. Mais t'sais, ils ont fait péter à terre, il y a des extraterrestres sont venus, puis là, t'sais, c'est... Le bordel est pogné, là. Mais ça cause qu'une fois qu'ils vont avoir réussi ça, c'est quoi? Là? Ça va être les Saints à la conquête de l'espace. Non, ils l'ont fait dans Synthro 3. Donc, OK, on comprend qu'au niveau histoire, on est peut-être allé un peu trop loin. Gameplay, sensiblement la même chose. Au niveau graphique, ça se ressemble. On est-tu. Ça doit se ressembler aux trois, j'imagine? Ça se ressemble, mais d'ailleurs, regardez, je vais faire tout de suite une parenthèse sur les choses qui m'énervent dans Synthro 4. Point de vue graphique, c'est un concept, mais ça m'énerve. Et on, plus qu'on est dans une matrice et qu'on est conscient que c'est une matrice. Que c'est pas réel, ben ils ont mis un petit flou de pixels sur des bâtiments, des choses comme ça. Fait que t'es des fois quand tu t'apparais dans la matrice, t'es le monde se charge des choses comme ça, et il y a des bâtiments qu'on voit comme un balayage de pixels. T'es comme si le bâtiment était okay, en train de, ouais. De se télécharger des choses comme ça. Et aussi, c'est que des civils qui marchent, des choses comme ça, ben c'est pas des vrais. Dans certains cas, c'est pas des humains. Donc des fois, ils glitchent. Et moi, au début, je pensais que c'était mon jeu. De un moment donné, j'étais arrivé, j'ai vu un bonhomme qui avait des bras, puis il était tout tortillé, tout difformé, quoi que ce soit. Mais c'est à cause que quand on fait la conquête du monde virtuel, ben il devient instable. Puis c'est okay. Voulu, t'sais, c'est le principe de la conquête. Sauf que moi, ça me fait suer, moi, de jouer dans un jeu qui a plein de glitches graphiques parce que le monde a l'air de devenir instable. Mais t'sais, je comprends que c'est un concept, mais t'sais, c'est juste que... Ça sort mal dans le jeu, finalement. Ben c'est ça, t'sais, comme tu regardes Synthro 3, qui était pas le plus beau jeu de tous les temps, mais t'sais, il était quand même très bien, t'sais, il était regardable et tout ça, et jouable. Mais quand tu regardes Synthro 4, où il y a du bug graphique volontaire, en plus de ça dans le jeu, c'est comme... Ouais! C'est mal rendu, puis ça sert pas le jeu, finalement. C'est ça. Fait que t'sais, c'est... Il y a ça qui me dérange un peu. Mais sinon, le rendu, il est quand même très bien. Là. T'sais, quand on sort de la réalité virtuelle, qu'on va dans le vaisseau, tout ça, c'est vraiment l'engin qu'on reconnaît de Synthro 3. Sinon, en frais de jeu, tu vas être content. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à collectionner. Ça, comment je pourrais dire ça? C'est-tu nécessaire ou c'est vraiment juste pour... Il y en a que oui, il y en a que non. Comme exemple, pour augmenter tes pouvoirs, t'es comme pour sauter par-dessus une bâtisse ou quoi que ce soit, il faut que tu ramasses des fragments de code. Sauf que, juste pour te donner une idée, ramasser un fragment de code, c'est comme une colonne de lumière que tu vas trouver sur un toit. Maintenant, t'en ramasses un, ça te donne un point. Un pouvoir, ça coûte 40. C'est-à-dire, faut que tu te promènes dans la ville, puis t'as pas de misère à y trouver, il y en a juste partout. Mais tu sautes, mettons, par-dessus un building, tout ça, ben là, t'en as une là. Puis là, t'en regardes, t'en as genre 6 sur des toits de bâtiments. Mais ça cause que quand t'as un pouvoir qui en coûte 60 à acheter, là. Ça commence à être long à ramasser. C'est ça, puis tu sais, sinon, il y en a d'autres que c'est comme des sphères qu'avec des pouvoirs télékinétiques, faut que tu les pètes, puis il y en a trois dedans. Mais ça reste que c'est trois. Oh, ouais. Tu sais, ramasser ça à coup de 1 et de 3, là, c'est long. Puis moi, ben, personnellement, je me fends pas le derrière à faire un détour particulièrement dans mon chemin de parcours pour aller ramasser ça. Là. Moi, c'est genre, mettons, je saute en bas d'un building, puis ça donne qu'il y en a un sur le toit, ben, je vais m'arranger pour essayer de tomber dessus. Mais là, tu sais, je commencerai pas à faire volontairement des détours pour aller ramasser ça. Puis là, sinon, ben, il y a les audiologues, il y a les... Ouais, OK, ouais, je vois le genre. Puis, ah, si tu veux, ça me tente moins d'un coup. Puis t'es comme dans Saint-Tro 3, ben t'es la conquête, fallait que tu fasses des missions, puis dans le fond, ça te débloquait des territoires. Dans ça-là, faut que tu fasses des courses, faut que tu fasses de l'assassinat, faut que tu fasses du hacking de magasin, faut que tu fasses de l'escalade de tours, des tours excessivement hautes d'ailleurs, d'escalade de tours pour pouvoir faire l'activation. Des viewpoints, des waypoints, des générateurs à détruire. Plein d'affaires de même au niveau de l'asile pour pouvoir prendre la conquête du territoire. Je te mentirais pas, là. Mettons, tu vas sauver un personnage, là. Il va t'envoyer faire 4 ou 5 missions pour lui pour débloquer un costume ou une arme. OK? Puis, une mission, là, tu vas peut-être ramasser à faire 7 gogos. Comme ça, genre, t'allais hacker un magasin, tu sais. Puis, ils sont pas forcément un à côté de l'autre, là. Fait que des fois, tu te commences à faire les traverses. Bref, t'es en train de me dire, c'est vraiment répétitif. Les missions annexes sont très répétitives. Puis d'un autre côté, ça coûte pas vraiment le choix de les faire parce que c'est ça qui fait en sorte que ta cash, dans Saint-Tro, il y a un système d'argent qui te donne de l'argent régulièrement. Et les pouvoirs coûtent quand même, à part ceux-là qui se débloquent avec les fameux choses de code que je te parlais, il y en a des améliorations sur toi que tu faut que tu achètes avec de l'argent. Et si tu veux vraiment pas te fendre le derrière pour pouvoir les acheter, mais t'as pas vraiment le choix de faire ça parce que c'est ça qui te fait une rentrée d'argent régulière. OK. Qui permet de faire en sorte que tu peux t'acheter ça. Fait que tu fais tout le temps l'émission annexe en disant ben ça va augmenter mon montant d'argent que je reçois à chaque jour, ben à chaque heure dans le fond en jeu. Fait que tu te ramasses tout le temps à faire ça, mais ça cause qu'à un moment donné, ça fait pas avancer l'histoire, puis il y en a beaucoup trop. Puis tu sais, c'est... Puis tu sais, ça ajoute pas vraiment de plus-value à l'histoire, tandis que les missions principales, eux autres, sont bien le fun, puis tout, puis c'est, j'aime ça me promener, puis tu sais... J'ai vraiment habillé mon personnage comme Néo là, dans la Matrice. Là. Je me suis fait un trip à la Matrice. Puis, tu sais, quand que je rentre, là, je me bats au point nu contre des extraterrestres. Là, puis, tu sais, ça opère. Là, c'est un moyen temps. Là, fuck les guns. Là, au point. Là, puis, mais, tu sais, c'est juste parce que ces éléments-là. En plus, quand tu prends une mission avec une personne, ben quand tu finis, il faut que tu sortes de la simulation pour retourner dans le vaisseau, pour aller parler à la personne, pour qu'ils te disent merci d'avoir fait la mission. J'ai une autre mission pour toi. T'actives la quest, faut que tu retournes dans la simulation. C'est comme, pourquoi je peux pas te parler à travers la simulation? Pourquoi je suis obligé de me taper un loading pour sortir, pour revenir? Très répétitif dans les missions annexes comme ça, puis de la perte de temps au niveau des loadings. Oui. OK, c'est bon. Écoute, Andrew, tu m'avais comme donné le goût, mais remarque que comme solution, on peut toujours aller chercher un petit trainer, un petit programme pour cheater, puis on a la paix. Non, c'est sûr, mais moi, je ne joue pas dans cette cour-là. Ah, ben moi, j'aime mieux faire ça que perdre mon temps. À faire des missions répétitives ou aller courir les trucs de code. Ouais, ben là, j'ai tout hacké les magasins. Hein. Faut que j'en l'aurais pu, là. Mais... Okay. Bref, écoute, merci beaucoup, Andrew, pour ta critique. Combien de halos lumineux de Saint sur 10 donnes-tu à Saints Row? 4? Je donne un 7. Un 7, quand même. Ben, parce qu'il est très divertissant, mais tu sais, j'embarquerai pas dans la frénésie des critiques qui ont donné 90%. Non, là. Non, hein. Non. Mais moi, juste d'après ce que tu me dis, là, mitigé. Mais je vais vouloir l'essayer, ça, c'est sûr et certain. Écoute, merci beaucoup, Andrew, pour ta critique. Et on va aller en musique, mesdames et messieurs, avec Keith Kuna et sa chanson Oublie ça, qui est une reprise d'une chanson française dont le titre m'échappe complètement. Mais certains pourront la reconnaître. Donc, Keith Kuna et Oublie ça. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9. Allez! La machine, le petit pot qui rentre un grand slack. Les deux yeux d'engraisse de mine. Il se parle une bière, il vient me voir en marquant jusqu'à terre. Ouais, ben t'as des bottines, mon gars. les hommes comme ça. J'suis sûr que c'est des Kodiaks dans le site de mon tabarnak. M'a montré, on va se faire du fun. J'ai une chaîne à baisser qui cogne. J'te pique tes bottines, tes gomas. Moi j'ai dit, hey, mes bottines là, oublie ça. M'a crissé un point, j'ai crissé une claque. M'a crissé un autre point, ben j'ai donné mes Kodiaks. J'avais la tête pis j'étais relax, ben à côté au bord. Là tu m'as crié en un grand slack, pis se commande un grand verre de fort. Après il me brasse un peu d'épaule, pis il m'a regarde en se pensant drôle. Ouais ben t'es un gros petit gars, c'est pas de la merde, j'connais ça. Moi, c'est-tu que j'ai fret sur mon skidoo? Avec ça, j'ferais des rails de fou. Amène-toi en arrière du shell. M'a t'en refaire la face à coup de pelle. J'te pique ton compte, un, deux, trois. Moi, j'ai dit, hey, mon compte de malade. Oh, oublie ça. M'a crissé son point. J'l'ai crissé le mien. M'en a crissé un autre. Ben, j'ai donné mon compte. J'avais la bête pis j'étais relax. J'arrangeais mon scoop dans le parking. Veux-tu pas qu'arrive un grand slack sur son beau gros Harley Benkin? Il s'est spoté à côté de moi. Il a gardé son casque pour me parler. Ouais, ben t'as des vraies culottes de bombe. Sont usées, ils flash, sont le fun. J'suis sûr que c'est des Roberto comme les vrais Hells de Toronto. Amène-toi à l'arrière de la chaîne. Va te montrer que j'suis assez raide. J'te pique tes culottes pis j'm'en vais. Moi j'ai dit, hey mes culottes, wow, wow, les nerfs. Oublie ça. Il m'en a crissé un bon. J'lui crissé une garnotte. Il m'en a crissé deux, trois bons. Ben j'lui donné mes culottes. Le fond de ce tourne-là, c'est quand tu te la bête, t'es relax. Niaise pas trop dans les bords, mon gars, si t'es pas sapé comme un pape. Quand t'arrives à la fin d'une tourne, qu'il te reste plus rien, même pas tes claques. C'est pas drôle, non, non, mon petit coup, une tête faite avoir par des grands slacks. This is Brendel Floss, you're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale après Kid Kuna et Oublie ça. Et là, mesdames et messieurs, on va parler 2014 en termes de prédictions, de ce qu'on a hâte de faire dans le domaine ludique. Ou comment qu'on pense que l'industrie va évoluer. Ben c'est ça, on va commencer par Andrew. Go! Ben là, je n'étais pas prêt, non, c'est une blague. Ben en fait, moi, l'année passée, je me rappelle, j'avais parlé qu'il allait y avoir une baisse de l'industrie du jeu vidéo parce que il y avait l'industrie s'était arquée dans un coin et ne voyait pas l'ombre du indie gaming. Mais finalement, je vais réitérer qu'est-ce que j'ai dit dans le principe que finalement, les consoles de salon ont ouvert leurs portes au indie gaming. Donc, ça vient appuyer un peu le point que j'avais soulevé. Ils ont fini par nous écouter. Ben, de la montée du indie gaming, effectivement, sauf que ils se sont ouverts, finalement. Ils se sont pas braqués contre et les consoles sont de plus en plus là. Ça s'enlignait pour ça. Ouais. Puis finalement, ils ont changé leur opinion. Et finalement, ben, on va avoir du Don't Starve, du Minecraft et tout ça. Sur console. Chose avant qui était quasi exclusive au PC. Donc, quand même une très bonne nouvelle. Mais n'empêche que pour 2014, le PC gaming va quand même continuer à augmenter. Il y a des très gros titres qui vont être sur PC, puis il y a de plus en plus, en fait, encore une fois, là, de constructeurs qui y vont avec une version PC de leur jeu. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Un élément qui va aider énormément l'industrie du jeu PC, indirectement bien sûr, les Steam Box. Oui, oui. Effectivement, la semaine passée, il y a eu une annonce de je ne sais pas combien de Steam Box qui vont sortir là, de différents constructeurs. Ben c'est ça. Donc, au niveau de la Steam Box, ben, Steam, c'est la plateforme de distribution de jeux digitalisés du PC. Et Steam avait été clair que les achats qui allaient être faits sur PC, si le jeu était compatible Steam Box, ben, vous allez pouvoir jouer également sur votre Steam Box à partir de votre téléviseur. Là, Nendrouiri, ben, je me suis pété le genou sur la patte de table du studio. C'était son visage, c'était tout simplement merveilleux. Mais ça, c'est pratique. Par exemple, on ne sera pas obligé de se racheter trop deux versions du même jeu. Puis ben, exactement. On va y aller. Et il y a également l'Oculus Rift. Oui, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, il y a encore des nouvelles qui sont sorties cette semaine là-dessus. Les gens sont vraiment impressionnés. Meilleure reconnaissance du mouvement, ça va être. J'ai vraiment hâte de réessayer une version plus achevée de cet appareil-là sur oui. PC. J'ai vraiment hâte et d'essayer. Et avoir encore du motion sickness. Non, mais là, ça va là, je vais m'asseoir, mais je vais mais je l'essaye. Mais ça cause que juste pour donner une idée, on a eu l'occasion d'essayer la version pre-build, donc dans le fond, pré-release. De l'Oculus Rift, mais avec des écrans qui n'étaient pas HD, juste pour vous dire. T'sais, l'image était floue et c'était assez immersif pour que j'aie le mal du transport dans un vaisseau. Là. Ouais, mais c'était vraiment impressionnant comme accessoire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a vraiment un beau potentiel. Exactement. Donc, d'ailleurs, ça va m'emmener au point 2014. La réalité augmentée dans les jeux vidéo, oui. Reconsidérée. Parce que c'était un marché, d'ailleurs, qui était considéré mort pour beaucoup de joueurs. Mais avec l'arrivée de l'Oculus Rift, ben là, finalement, le monde, il se rend compte que c'est un marché qui est possible, mais il faut que ça soit exploité comme il faut. Puis j'ai hâte de voir avec Watch Dogs aussi, peut-être qu'ils vont aller chercher cette dimension-là avec leur jeu. Exactement. Puis, donc, tu sais, c'est tous des éléments, un nouveau phénomène. Et d'ailleurs, beaucoup de monde disait que le jeu, par médias sociaux, était à la mort, mais avec justement tous ces éléments-là de réalité augmentée et tout le kit, ben, tu sais, comme à Ubisoft, puis Sony d'ailleurs, ont mis d'avant les tablettes et les téléphones comme étant des accessoires d'appoint pour les jeux. Donc, est-ce qu'il y a une autre dimension d'ailleurs où tu sais, on va pouvoir utiliser certains médias sociaux avec des pages prédéterminées pour vraiment emmener le joueur dans une immersion plus complète? Donc, les développeurs, dans le fond, c'est tous des éléments qui vont remettre en considération avec justement l'engouement de ces compagnons, dans le fond, qu'on peut exploiter pour nos jeux et la réalité augmentée, dans le fond, au niveau de l'Oculus Rift. Donc, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Oui, il y a des gros titres moi, que j'ai hâte de jouer, mon cher Andrew. Des titres qui s'en viennent. Mais évidemment, Watch Dogs. Qui a été repoussé. On a donc bien hâte de savoir quand est-ce que ça va sortir. Qui a été repoussé parce que les développeurs n'étaient pas satisfaits de la qualité finie pour une nouvelle génération. Mais moi, c'est bien correct comme ça. J'ai pas de problème avec ça, moi. Qu'ils prennent leur temps, qu'ils nous sortent un produit fini, léché, abouti. C'est bien correct, ça me dérange pas d'attendre. Mais j'ai quand même hâte de jouer à ce jeu d'Ubisoft qui s'en vient. Dans les autres titres qui me tentent, que j'ai vraiment hâte d'essayer... un achat, j'aurais pas le choix. Tales of Symphonia Chronicles sur PS3 qui va regrouper celui qu'on avait sur PS2 GameCube. Mm-hmm. Puis le Dawn of the World qui était disponible sur la Wii. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ça va être un achat obligatoire que je vais devoir faire sur ma PS3. Pour ceux qui connaissent pas les séries Tales of de Namco Bandai dans le RPG japonais, c'est un must. Allez vous chercher ça. Thief. On va faire revivre la fameuse franchise Thief qui ça va s'en venir au mois de février, fin février. Jeu de stealth où cette franchise-là est très, très, très connue. On nous amène un nouveau titre au mois de février qui va être disponible sur PS3, PS4, Xbox, Xbox One, puis PC. Donc, un autre titre. South Park, The Stick of Truth. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Comme j'ai Andrew Hardon sur GameSpot, ils ont fait un sondage. Un sondage. Dans les RPG les plus attendus de l'année, le premier, c'est Witcher 3, bien évidemment. South Park arrive en deuxième place avant Dragon Age. Ça va être vraiment être malade. Ça va être épique, ce jeu-là. J'ai vu le gameplay. Là. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Moi, j'ai hâte à Star Wars Battlefront. Oui. Avec le DICE Engine de Battlefield 4, là, un Battlefield de Star Wars. Ça va être ça, j'ai vraiment hâte. Parce qu'en plus, c'est ça, je suis retombé dans Star Wars récemment, moi. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je sais pas s'il va y avoir des Jedi. Hein. Je sais pas. Mais j'ai hâte pareil. Ça va être, j'ai hâte beaucoup, beaucoup, beaucoup de voir un. Ils vont avoir des véhicules, c'est ça. Ouais. C'est ça la joie de Battlefront, là. T'es pouvoir conduire un TIE Fighter ou un X-Wing. Puis tirer dans tout le monde, ça va être malade. Puis faire des batailles à pied à cause qu'on a abordé un croiseur ou une frégate rebelle. J'ai hâte de voir ça, surtout justement avec ce moteur-là, graphique, là. Ça va être fourraine. Sinon, Titanfall, évidemment, le gros titre, je crois. Qui s'en vient sur Xbox One, qui va être aussi disponible sur 360 et sur PC. Je savais pas qu'il était disponible sur PC. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh yeah! » Ben, c'était pas prévu. Ils l'ont annoncé par après. Non, c'est ça. Mais quelle bonne nouvelle. Ça va tellement être beau sur PC, ce jeu-là. Puis sur Xbox One également. Sinon, rapidement comme ça, dans les autres jeux que j'ai vraiment hâte d'essayer, il y en a qui ont pas encore de date exacte. Dragon Age Inquisition, j'ai hâte de l'essayer. J'espère qu'ils ont fait mieux que le deuxième. Le deuxième était bon, mais il était bon une fois. On pouvait plus rejouer après. Là. On avait fait. Il n'y avait pas vraiment de valeur de rejouabilité, contrairement au 1 qui était malade mental à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Écoute, il y a Inquisition dans le titre déjà là. Moi, ça m'accroche. Sinon. Elder Scrolls Online. Non, ça, j'ai pas hâte de jouer. Non, mais moi, il y a un stress test en fin de semaine. Là. Je connais du monde qui ont eu des clés. J'ai hâte d'avoir leur opinion. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai hâte quand même de voir ce que c'est, mais de jouer, je suis pas si fébrile. Non. Ben, t'sais, moi non plus, je suis pas un maniaque des MMO à la base, mais ça reste quand même que ça va être une grosse sortie pour 2014. Tout à fait. Sinon, rapidement comme ça. Final Fantasy XV. Ouais. Hey, écoute, c'est fait par la même gang qui ont fait Kingdom Hearts. Ouais. Puis c'est. Final versus 13, qu'on j'attends depuis beaucoup trop longtemps. Ben, je sais pas, moi, depuis le 7, j'ai tellement décroché de Final Fantasy. Là. Ouais, mais il est pas pareil, ça, là. Il est fait par la gang de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Moi, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Je sais pas, non. Non, mais j'ai hâte que Kingdom Hearts sorte. Ouais, oui, c'est vrai. Toi, tu l'attendais aussi depuis longtemps. Sinon, Tales of Xillia 2, qui va sortir, il faudrait jouer au 1, mais ça a un autre gros titre. Évidemment, Witcher. Le Dynasty Warrior qui va sortir un moment donné. Un moment donné, ça c'est sûr et certain. Witcher 3, bien évidemment, et Watch Dogs, comme j'ai dit tantôt. C'est pas mal ça. Une grosse année au niveau RPG. Il y a des gros titres qui s'en viennent. Évidemment, c'est mon type de jeu préféré, donc j'embarque rapidement là-dedans. Pour 2014, je pense qu'on va avoir du pain sur la planche niveau jeu. Ça, c'est sans compter qu'est-ce qui n'est pas annoncé encore. Oui, il y a des trucs qui vont sortir ou qui n'ont même pas de date de sortie encore. Là, tu sais, il y a des jeux que j'ai pas nommés que j'ai quand même. Je vais vouloir essayer aussi, là, mais. Comme Dynasty Warrior. Ah, je n'ai pas de temps sur. Ben, je trouve ça cool, Dynasty Warrior, mais. J'ai vu qu'il y avait eu un autre. Je suis pas spécial. Au Japon, j'ai vu qu'il y avait un quatrième Dynasty Warrior Gundam. Ah ouais? Ouais. On a joué pas mal à ça, nous autres. Avec un système de chat de PlayStation assez ordinaire, là, mais on a quand même réussi à jouer. C'est pas si pire. Donc, en tout cas, c'est ce qui fait un peu le tour de mon côté. Moi, j'ai pas grande prédiction. Moi, je suis vraiment... J'ai juste hâte de jouer à des jeux. Encore une fois, en fait, ma grosse prédiction, c'est que j'aurai pas de temps pour jouer à tout. C'est pas mal ça. Donc... Ben, moi, je vais rajouter autre chose. Vas-y donc. Moi, je vais prédire, malheureusement, qu'il va y avoir d'autres studios de jeux vidéo qui vont fermer en 2014. Parce que pour la raison suivante, le marché du jeu vidéo, malgré que le consommateur moyen s'en rend peut-être pas compte, est en pleine métamorphose. Et justement, le fait que les consoles de salon aient ouvert la porte au indie gaming, que Microsoft aille backtracker sur des décisions de DRM ou quoi que ce soit, ça vient prouver un point que les joueurs ont atteint un certain niveau, où là, les joueurs savent ce qu'ils veulent, puis ils veulent plus se faire prendre pour des valises. Il y en a encore qui le font. Prendre exemple ici, veuillez insérer les fans de Call of Duty. ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils sont tannés d'avoir des jeux qui vont payer le gros prix et qui n'ont plus le plein contrôle. SimCity a été exemple, un des exemples les plus frappants de 2013 où il fallait forcément jouer tout le temps en ligne et on parle de SimCity. Ok. Ouais, SimCity, ça a été un gros fail au niveau gaming l'année dernière. Là. Ça a été assez flagrant. Donc, ouais, il va falloir surveiller ça. Puis les nouvelles consoles, c'est sûr que là, on a des nouvelles consoles sur le marché. J'ai bon espoir. J'ai vu, on est vraiment rendu à un niveau au-dessus, au niveau graphique. Là. On a vraiment fait un bon bond en avant. J'ai vraiment hâte de voir ce que les éditeurs de jeux et les constructeurs vont faire avec ces machines-là dans la prochaine année, justement si les bugs et défauts vont être rapidement corrigés, et ce que ça va donner dans un an, si ça va valoir la peine déjà d'avoir acheté ces consoles-là avec l'offre de jeux qui va être disponible d'ici un an. Ben c'est ça, fait que on voit qu'il y a une métamorphose qui se fait, que le marché du jeu vidéo est peut-être un peu moins fermé que bien des joueurs pensaient. Fait quand même, c'est un bon côté. Il y a encore du chemin à faire. Agréablement surpris, effectivement, c'est moi aussi. Agréablement surpris. On va espérer que ça va rester comme ça. On va espérer que ça reste comme ça, effectivement. Mais malheureusement, il va y avoir des studios qui restent arqués quand même dans leurs décisions. Et juste un exemple, EA, en 2013, a gagné le prix d'étant la société américaine la moins aimée aux États-Unis. Ouais. Donc, ça fait mal. T'sais, c'est un prix qu'une compagnie ne veut pas gagner. Et EA a été le gagnant de ça. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas de changement, c'est du monde qui va de moins en moins consommer ces produits-là. Puis c'est décevant parce que c'est des grosses sociétés qui ont des petits studios en dessous, qui ont beaucoup de talent, comme exemple DICE pour les Battlefield. C'est un studio qui fait un excellent job, mais ça reste qu'ils sont sous le géant de EA. Et c'est de valeur, mais t'sais, c'est des choses qui vont devoir changer. Et je crois que EA ont quand même pris une petite leçon là-dedans et ils vont aller vers le meilleur chemin. On va leur souhaiter. On leur souhaite. Mais il y a une compagnie qui va falloir qu'ils se réveillent aussi et c'est Blizzard. Oh oui. Alors, ça peut être une super année. Diablo 3 qui était mauvais. Mais en fait, Blizzard, depuis qu'ils ont été achetés par Activision, je trouve personnellement qu'ils sont dans une pente descendante. Oh oui. Pouvez-vous laisser mourir World of Warcraft, s'il vous plaît? Ah, mais il fait encore de l'argent avec. Non, mais arrêtez de sortir des extensions, puis tout, puis en disant c'est le dernier, puis en annonçant un autre après, là. C'est assez, là. Au pire, refaites une refonte, là. T'sais, refaites-en un nouveau, à la limite, là. Ouais, c'est ça. T'sais, gardez le même système, faites juste changer l'engin graphique. Votre engin graphique, il pue, là. c'est l'équivalent du plat de bouffe que vous avez laissé dans votre frigo, là, qui a de la mousse, puis qui vous répond quand vous ouvrez la porte, là. Ce serait temps, là, à un moment donné, là. Et voilà. C'est rendu que des studios indépendants puis des jeux free-to-play ont des meilleurs graphiques que le vôtre, là. C'est un signe. C'est un signe. Donc, bizarre attention à vous. Voilà, c'est un peu nos prédictions, souhaits, envies qu'on a pour 2014. Et on va aller en musique, Monsieur Castegan, avant de faire quelques nouvelles ludiques pour la fin de l'émission. On vous envoie dans vos oreilles une chanson, ma foi, des plus drôles. C'est des gens qui ont décidé qu'ils allaient faire un petit album concept en mélangeant toutes les trunes de l'album Hybrid Theory de Linkin Park. Le terme, on appelle ça un mash-up. Un mash-up avec la chanson Gangnam Style de Psy. Toutes les tunes, c'est les paroles de Gangnam Style, mais c'est la musique de Linkin Park de leur premier album. Donc, on va vous envoyer tout de suite One Style Close. Donc, c'est Closer. One Style Closer, remixé finalement par Rosalina Sama et Triple Q. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez vite. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximal après One Style Closer de Rosalina Sama et Triple Q qui ont fait, c'est ça, un mash-up, là, un mix entre tout le premier album de Linkin Park et Gangnam Style. Moi, je trouve ça très drôle. C'est bien fait, le pire. Il y en a d'autres, on pourra en poser un autre à un moment donné. Ah oui, il y a un album, il y a tout l'album de Hybrid Theory de Linkin Park qui ont tout remixé. Toutes les tunes sont disponibles version Gangnam Style. On va voir passer ça à un moment donné. C'est sûr et certain. Donc, pour terminer cette émission, M. Castegan, on va y aller en nouvelle musique. Oui, Nintendo encore condamné pour sa console portable. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est qu'en mars 2013, on en remonte loin, quasiment un an, il y avait eu une poursuite aux États-Unis contre, dans le fond, Nintendo, parce que l'écran 3D sans lunettes en serait une atteinte à un brevet, dans le fond, là, qui existait déjà. Donc, dans le fond, la personne disait, ben, c'est ma technologie, c'est breveté pour moi, ils me l'ont volé et je veux de l'argent. Donc, dans le fond, il y avait eu une poursuite et le constructeur, dans le fond, devait verser 30,2 millions de dollars à l'inventeur en question. La somme avait été réduite de moitié à... En appel. En appel. Mais là, il y a eu un autre procès. Mais là, cette fois-ci, à cause du système de caméra. Parce que là, la caméra fait une technologie de photo 3D. Qu'est-ce qui est aussi breveté par le même gars? Fait qu'il y a eu un autre... Poursuite. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Nintendo est maintenant obligé de reverser à Tomita Technologies International, qui est la compagnie en question, 1,82% du prix de gros de chaque console 3DS et 3DS XL vendue. Ouh! Ben, c'est ça que ça fait quand on fait pas attention au brevet. Ouais. C'est un peu plate, là, mais... Fait que si vous faites une invention et que vous voulez le mettre sur le marché... Ben, brevetez-la. Brevetez-la ou regardez s'il existe déjà un brevet. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Et là, on va aller parler de Skyrim. Dovahkiin. Dovahkiin. Mais bref, tout ça pour dire que si vous êtes un fan de la série Morrowind et que ça donne que vous avez le jeu Morrowind, ben sachez qu'il y a des modeurs qui ont décidé de refaire Morrowind au complet dans l'engin de Skyrim. Oh! Donc, dans le fond, il suffit d'installer le jeu Morrowind avec les expansions et Skyrim sur votre ordinateur. Et il y a un mode qui s'appelle Skywind qui permet, dans le fond, de faire le lien entre le jeu de Morrowind pour qu'il aille chercher ses textures dans le jeu de Skyrim. Ah, c'est malade, ça. Donc, dans le fond, ils ont décidé de faire ça. Mais là, contrairement à Oblivion, ou un peu comment ouais. Il l'avait appelé, qui était, dans le fond, vous jouez à Morrowind dans l'engin de Oblivion. Ben là, ils ont décidé de refaire le voice acting au complet du jeu, okay. De refaire les textures, de refaire le 3D des monstres et également de réécrire toutes les missions du jeu. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Donc, il faut comprendre... Travail de moine. C'est ça, exactement. Et il faut comprendre également que c'est un work in progress. C'est pas tout terminé, mais c'est quand même en version assez avancée pour permettre l'utilisation du mod. Et il y a quelques images et même une vidéo, dans le fond, qui est sur le site du modeur. Et je vous dirais, c'est très convaincant. Écoute, ce genre de technique-là, ça pourrait... Moi, je peux pas dire ça. Ça pourrait peut-être aider les constructeurs à place de refaire des remakes complets. Ça serait peut-être une technique, justement, reliée à un jeu plus récent d'une série. Mm. Puis, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, le monde des modeurs, ça m'impressionne énormément. Donc, vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Cherchez Skywind, donc SKYWIND. Et vous allez tomber sur le site du modeur. Cool. Merci beaucoup, M. Castegan. Autre nouvelle? Tomb Raider Definitive Edition, qui est dans le fond la refonte complète de Tomb Raider, le dernier jeu qui est sorti, pour avoir tous les DLC et tout le patatras qui vient avec. Jeu qui doit sortir le 24 janvier, donc très bientôt. Mais malgré bien des demandes des fans et tout ça, Square Enix a été ferme. Ce jeu ne sera pas disponible sur PC, ni PS3, ni 360. C'est vraiment la version, pour les nouvelles générations. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que le jeu a été remonté au complet pour avoir une résolution native de 1080p. Donc vraiment le revamper pour que les nouvelles consoles puissent tirer à 100% toutes les particules de l'image. Et puisque la version Tomb Raider sur PC, malgré qu'elle soit très jolie et fonctionne très bien, eux autres, ils disent que ça valait pas tant la peine que ça de faire un portage définitif sur PC, tandis que sur PS3 et 360, ils disent tout simplement que les consoles peuvent pas toffer ça, puis ils font pas une version tout simplement Game of the Year comme Batman font, c'est vraiment une autre édition. Fait que là-dessus, ils sont fermes. OK, ben moi j'étais un peu déçu, évidemment, parce que j'avais joué à Tomb Raider sur PC, mais bon. Au moins, j'ai joué à Tomb Raider. Ouais. Je me dis, au pire, j'irai te voir chez vous. Puis deux dernières nouvelles rapides? Oui, allons-y. Ben oui, deux dernières nouvelles rapides. C'est pas grave, on dépasse un peu. Oui, c'est vrai, maintenant, dans notre nouvelle case d'horaire, il n'y a pas personne derrière nous. Mais allons-y quand même, M. Castegan. Donc, c'est deux nouvelles reliées à Sony. Dans le fond, t'en as un peu... Ouais, c'est ça. C'est trois nouvelles. Mais en fait, Sony ont annoncé pas plus tard que hier qu'ils avaient atteint le 4,2 millions de PS4 vendus. Total? Ils en ont vendu plus que ça, il me semble. Sony, l'âge donc... Attendez. Sony ne pouvait pas rester muet après l'annonce d'hier par Microsoft de 3 millions de Xbox One écoulés en 2013. Sony lâche donc ses chiffres et indique avoir vendu 4,2 millions de PlayStation 4 entre le lancement de la console en novembre et la fin de décembre. Ah, voilà. OK. Nice. Ben, c'est des bons chiffres. Et également, ils constatent une hausse de 90% d'abonnés sur leur service PlayStation Plus. Ouais, mais là, c'est sûr que... Mais ça vaut la peine, PlayStation Plus. Moi, j'ai eu un an gratuit à cause d'une promotion sur le Facebook de Sony Canada. Puis sérieusement, la semaine passée, je pense que c'est ce mois-ci, je pense qu'ils donnent Borderlands 2 gratuit, Grid 2. La seule affaire, c'est qu'au Canada, nos bandes passantes, des fois les abonnements Internet, c'est chiant d'en loader un jeu complet, c'est long. Puis vu que le PlayStation Network, en tout cas jusqu'à présent, n'était pas très performant, c'était chiant d'en loader un jeu gratuit. Mais je sais pas, justement, vu que ça va être rendu payant obligatoire avec le PlayStation 4, si ça va vraiment s'améliorer. J'espère. Mais bref, je trouve ça bien. Oui, oui, une bonne nouvelle pour Sony. Et sinon, Sony a annoncé leur système PlayStation Now, oui, qui est leur fameux service de cloud gaming qu'on avait entendu parler au E3. Qu'est-ce qui allait permettre, dans le fond, de faire le pont pour pouvoir jouer aux jeux de PlayStation 3 sur la PlayStation 4 et idéalement avoir aussi le catalogue PlayStation 2 et PlayStation 1 sur la PlayStation 4. Et dans le fond, Sony ont sorti l'offre. Et on parle ici d'un système qui, au départ, va sortir exclusivement sur la PlayStation 4 pour offrir, dans le fond, les jeux de la PlayStation 3. Par la suite, un lancement progressif sera fait sur la PlayStation 3 pas longtemps après pour permettre de faire de l'achat de jeux. Et pour ensuite se diriger sur PS Vita et aussi les TV intelligentes de Sony qui sont connectés, qui vont va pouvoir avoir sur certains cas les jeux par le biais du PlayStation Now. D'ailleurs, Sony ont même annoncé la manette qui va être possible de relier à la télé pour pouvoir jouer. Et encore une fois, encore plus loin, pouvoir jouer à des jeux de PlayStation 3 et tout ça à partir de son smartphone ou de sa tablette, parce que Sony prévoit rendre le service disponible sur les téléphones intelligents. On parle ici, dans le fond, d'un système de location. Donc, on va pouvoir louer les jeux ou encore par le biais d'un abonnement où on va pouvoir, dans le fond, augmenter sa bibliothèque et avoir accès aux jeux plus facilement et ainsi quand qu'on veut, où on veut et le jeu qu'on veut. Un peu comme le même principe de Netflix. Excellent. Ça a du potentiel. Encore une fois, donc dans les dernières années, Sony nous a un peu déçus. On va juste espérer que ce beau projet-là soit à l'auteur de nos attentes, performant et qu'on ait des bons choix puis qu'on se fasse pas trop chier. La seule chose qui n'est pas sortie encore, et c'est un des points que justement la nouvelle que John avant de moi soulève, est-ce que le service... Parce que dans le fond, Sony, d'où la troisième nouvelle, Sony avait annoncé qu'elle allait unifier leur service en ligne. Dans le fond, qu'Advanaco comprenait le PlayStation Plus, mais ça allait nous donner accès au Sony Online Entertainment, ouais. Donc le service de musique, dans le fond, que Sony offrait, et que tout ça soit inclus dans le prix de 49,99 de notre abonnement PlayStation Plus. Et au niveau du PlayStation Now, actuellement, il n'y a aucune mention si le service d'abonnement va être inclus dans l'abonnement PlayStation Plus ou s'il faut défrayer des frais supplémentaires. Oh, okay. Donc, il n'y a pas de montant, il n'y a pas des détails à ce niveau-là. Et pour l'instant, on parle d'un départ en phase bêta à la fin janvier aux États-Unis uniquement. Donc, les autres personnes dans le monde vont devoir prendre leur mal en patience. Et en fait, il y a du monde qui font état même que les lancements dans d'autres pays pourraient retarder jusqu'en 2015. Ouf, c'est loin, ça. En tout cas, Sony. Bon, bref, merci beaucoup, Andrew, pour ces nouvelles. Et c'est maintenant la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. On vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute à notre nouvelle plage horaire maintenant de 19h à 21h. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeu. Et je veux évidemment remercier monsieur Andrew Castagan qui m'a accompagné tout au long de cette émission, qui nous a fait des belles critiques et des belles prédictions. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là. Toujours un plaisir. Et je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez-y pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres articles. Et également, rendez-vous sur la page Facebook de Puissance Maximale. Tapez Puissance Maximale à la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Partagez la page, aimez-la, bien entendu, pour ainsi la partager plus facilement auprès de tous vos amis geeks. On remercie encore une fois la gang de CJMD en cette belle année de nous accueillir dans leur studio. Et je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we... One, two, three, four, die!